Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Bonjour, bonjour, bonsoir. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Ça faisait une éternité qu'on n'en avait pas fait. C'est beaucoup d'organisation et on n'est pas très doué à ça. Donc voilà, on vous présente nos excuses les plus plates, Adrien. Bien sûr. Comme à l'accoutumée, nous avons quatre invités autour de la table. Tout d'abord, elle est comédienne, scénariste, réalisatrice, que ce soit au cinéma, au théâtre, à la télé. Elle a tellement de cordes à son arc qu'elle pourrait jouer de la harpe. Pêle-mêle, citons Les Emmerdeurs, Je suis ton père, Nicky Larson, Peur sur le lac, Un gros moment de solitude ou encore Scène de ménage. D'ailleurs, spoiler, elle vole l'argent du Guette et Raymond pour s'acheter du shit. C'est Justine Le Potier. Oui. Ah, je me suis auto-applaudi. Oh, mais t'as bien raison. Il faut. Ah, écoutez, c'est parmi bêtises. Ah, écoute, vous savez, dans ces périodes un peu dures, hein, il faut. Vrai. Auteur pour la fiction Orlov sur France Culture, présentateur du podcast 2 heures de perdu, Twitchos invétéré qui décortique entre autres activités des épisodes de Smallville et Charme dans Live. C'est aussi un ancien data scientist. Hashtag engineering. Hashtag big data, hashtag webdev. Une veste Adidas, des lunettes vintage et un accent bourguignon. Aujourd'hui, on reçoit Antoine Piombino et on en parle tout de suite. Oui, ouais. Je suis aussi l'inventeur du cocktail Canada Dry DSP Vodka. Et la France t'en remercie. Voilà, chaque soir. Tu n'es pas webdev. Il me semble que tu avais dit que tu n'étais pas webdev. Je suis pas webdev. Alors, voilà. J'ai tapé Antoine Piombino sur Twitter. Et je suis tombé sur un vieux post de Autodiag. Horrible. Et il y avait toi derrière un petit pupitre avec un iPad. Et il y avait écrit hashtag engineering, hashtag big data. Je n'ai pas fait web ce dev. Post. Ah ouais, d'accord. Mais, mais c'était mon ancienne vie. Oh. T'étais dev, mais pas webdev, c'est ça? T'as été dev. Ouais. Le chanteur Dave, il était Dave. Il était ni plus ni moins que. Je la sors comme ça, et la note est juste. Vous pouvez vérifier, ouais, vous pouvez vérifier. C'est vrai. Après avoir marqué YouTube avec l'émission 46K Sport, c'est aujourd'hui dans le monde du stream qu'il officie. Si sa chaîne Twitch était une biscotte, eh bien il y aurait un pénis d'invité, un pénis de bonne blague et un pénis de pétanque qui jouirait à l'unisson du bon sperme qu'on a envie de seber. C'était différent. Bonjour. C'est tellement moins stylé que la carrière de Justine. Mais c'est pas de ta faute, hein, c'est ma carrière qui est nulle. Hein. C'est pas ta présentation. Ta présentation est super. Mais la vie de Justine est beaucoup mieux que la mienne. J'aurais bravo, préféré Justine. Qu'elle soit présentée en dernier. Ouais, moi aussi, vraiment. Mais là, c'était un peu nous écraser. Ouais, voilà, comme quoi, la galanterie. Data scientist, et puis un truc un peu vulgaire avec des bites et des boules, et voilà. Et bravo pour Justine sur le métrage qui sort là bientôt. Mais merci aux deux connards à côté là. Quelle carrière! Et quelle carrière, Justine! Des bites et des boules. Je sais pas quoi dire. Non, mais bravo, c'est tout. Savour, tu pourrais aller où on était. Il est l'homme qui a découvert le rappeur Booba alors que ce dernier chantait aux fenêtres, propriétaire de plus de 8 salles de sport dans le bassin parisien. C'est lui qui a exposé l'affaire du sang contaminé dans les années 90. Leader du groupe de métal Many Hell, beaucoup d'enfer en français, c'est Adrien Méniel. Oh, bravo. M'applaudis aussi. Toujours plus sympa que Teddy, quoi. C'est vrai. C'est toujours plus mérité aussi, ça, donc encore une fois, je le prends pas. Ça dépend parce que moi, il est obligé vraiment d'inventer des trucs. Ouais. Donc non, mais c'est pas ça. C'est une blague, putain. Je m'entends très mal, moi, dans mon casque. Moi-même. Ah bah attends, je vais te remonter un petit moi-même, peu. Moi-même, hein, juste. Ah, toi-même, juste toi-même. Oui. Alors attends. J'entends très fort les autres et moi. Non, là, je t'ai monté. Ah, c'est pas mal. Bien, tu parles loin, de ton micro. Non, je suis. Oui, là, d'un coup, t'as vu. Non. Vous vulgarisez. Je connais le métier. Vous vulgarisez. Écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ça fait extrêmement plaisir. Et comme à l'accoutumée, nous allons jouer au jeu de l'actu. Peut-être que maintenant qu'on commercialise ce podcast, on peut plus utiliser cette chanson d'ailleurs. Sûrement. Faudrait qu'on se renseigne. Mais si, bien sûr que si. Personne vérifie. Droit à la citation. Hommage. Une étude a révélé l'horaire parfait pour faire l'amour. À votre avis, lequel est le matin? Y a pas d'heure, putain. Attends, tu rigoles. C'est que kiff. Moi c'était il y a très longtemps en tout cas. Comment? Non, c'est 20h le lundi. Ah oui, les gens le savent. Ça, j'imagine que ça dépend avec qui ou comment. Non, c'est tout le monde pareil. Ah, non, c'est en général. C'est à l'unisson. Eh bien, c'est 6h43. Eh bien, écoute, tu n'es pas si loin. C'est le soir, non ? Du matin ou du soir ? Je sais pas, comme tu veux. C'est vraiment. Ouais. Tu as faux, Adrien, et c'est Justine qui avait plutôt raison. C'est plutôt vers le matin. Et 6h43, tu n'es pas si éloigné. Mais surtout, c'est quoi les concepts ? C'est genre en fonction de. Le concept, les concepts. C'est quoi la vie ? Pourquoi Monsieur Bourdain, je ne peux pas vous laisser dire ça. Attends, les Parisiens, ils ont là les concepts, là-haut. On parle de baiser, là-haut. Non, c'est. Écoute, c'est une chronobiologie. La science qui étudie les rythmes biologiques dans l'organisme, et donc il y a une, en gros, il y a un horaire qui serait le meilleur pour faire l'amour. Mais par rapport à quelle fin, à des fins reproductives, selon quels critères, selon quels critères, à des fins de baiser, enfin, tout simplement. Optimisation du, quoi. Ouais. Du plaisir. On parle des hormones. On parle des hormones qui sont à leur pic et côté masculin. Alors on est dans un rapport sexuel hétéronormé, hein, je vous le dis tout de suite. Ah. Mais c'est un moment où les hormones sexuelles des hommes et niveau d'œstrogène des femmes est élevé à peu près au max. Ça se base surtout sur les femmes parce que les hommes ils ont un peu tout le temps envie de baiser, j'ai l'impression. Serre-toi un verre. Mais c'est vrai que vu qu'on bande le matin, j'aurais tendance entre 7h et 8h. Oh là, mais pardon, mais un génie. Merci. Il s'agit de 7h30. Attends, c'est ça leur étude. On bande le matin. Ils ont la colle le matin, ça doit être 7h30. On met 7h30. Non, c'est ce que je t'ai dit, c'est d'ailleurs que. C'est à cette heure-là que les hormones sexuelles des hommes sont plus libérées et que les femmes, quant à elles, atteignent un niveau d'œstrogène élevé. Voilà, la montée du niveau d'endorphine déclenchée par une partie de jambon en l'air fait baisser la tension artérielle et le stress, de quoi être optimiste et de bonne humeur pour le reste de la journée. D'accord, c'est le yoga du matin. Mais potentiellement plus de la gueule, ce qui contraste un petit peu avec l'érection. Moi, j'aime pas trop le matin à cause de ça d'ailleurs. Personne m'a demandé, mais je vous le dis. On peut répondre à leur étude ou pas ? J'aimerais leur en parler. Je vais mettre un commentaire qui dit pas vrai ce que vous dites. Et au truc perso, maintenant, je me lève la nuit pour aller pisser, ça c'est vraiment parce que je vieillis, je pense. Ouais, c'est très chiant. C'est vraiment juste à la vie. C'est trop chiant. Toi, tu te lèves, ouais, tu lèves pour chaque nuit, moi. C'est trop chiant. C'est terrible ça, mais ça c'est un fléau, je pense. J'ai de la peine pour les gens. En vrai, le Covid est pire. Par exemple, je pensais aux Ouïghours perso, mais c'est pire que se lever pour pisser. Non, mais et des fois tu te lèves la nuit pour aller pisser, mais tu t'endors. Et t'as la gaule, et c'est vraiment très très chiant parce que soit tu repeins les chiottes, soit t'attends. Non, mais t'es obligé d'attendre. Souvent t'attends. Pas du tout. Non, tu peux te mettre assis et faire un espèce de système de levier. Non, mais ça. Comment ? C'est tu bandes mou peut-être. Qu'est-ce que tu as dit ? Non, mais non. Bon, c'est trop beau. Pardon, c'est trop beau comme discussion. Tu te mets en planche, tu mets la. Non, mais c'est ça, tu te mets en angle en t'appuyant sur le mur derrière les chiottes. Des fois, tu contrôles pas. Bah, écoutez, j'en ai appris beaucoup. Voilà. Déjà, en 10 minutes. J'ai cru qu'il allait me sortir. Merci. Bah, tu fais tout bêtement un poirier, inversé sur les chiottes, les deux mains au sol. Tu crées un angle et c'est bon. Un angle obtus ou aigu ? Plutôt aigu, du coup. Oui. C'est vraiment vulgaire, quoi, l'émission. Toujours dans la finesse, un homme a fini aux urgences, à cause d'un accident au pénis. À votre avis, lequel ? Il s'est branlé avec du gel hydroalcoolique. Non. Il est très très vite, je sais pas. Je l'ai jamais fait, ok ? J'ai jamais essayé ! Ça arrivait trop. Un accident au pénis. Accident. Une brûlure ? Non, il n'est pas tombé. Une brûlure ? Pas de brûlure. Pendant un s'est cassé le pénis comme un chien. Il s'est cassé c'est la possible. Queue. Hein, comme un chien. Les chiens se cassent la queue. C'est pour ça que mon cerveau. Non, mais on peut se casser le pénis. Bien sûr. Si t'as une érection et tu te brises le corps caverneux. Et tu te lèves la nuit pour pisser et que tu fais un angle. Voilà. Tu tombes. Un angle à 40 degrés. C'est un angle mal maîtrisé, tu te pètes. C'est pas un vulgaire frein qui a pété. Oh non. Ça, il doit y en avoir des. T'es dans le floodcast, Justine. On est un peu au-dessus de ça. C'est un peu plus sophistiqué. C'est pas comme si c'était genre 7h30. Il s'est introduit quelque chose dans le pénis. Alors, il a introduit. Trombone. Il a mis son pénis dans un truc. Alors voilà, il a mis son pénis dans un truc. Une personne. Non, attends, pas une personne. Un aspirateur. Non. Je dis ça parce que j'en vois un, il est là. C'est pas parce que tu penses. C'est le V11 absolu, hein, t'as vu. C'est le dernier Dyson. C'est le plus puissant. Il est sublime. C'est le plus puissant. C'est le plus. Il a introduit son pénis dans quelque chose de vivant. Pour se branler. Enfin, à des fins sexuelles. Pas. Pour se branler. J'ai ouvert un peu la fenêtre, c'est pour ça que vous entendez une petite disque. Dans un vagin. Non, pas dans un vagin. Dans quelque chose de vivant ou pas ? Dans un vagin de tigre. Pas dans. Donc, problème. L'accident bête. C'est ça. Pas dans quelque chose de vivant, non. Dans quelque chose de mort. Et pas. À des... pas à des fins sexuelles. Et pas. Bah, à des fins sexuelles in fine, mais pas pour se branler. Bah, attends, pardon. Donc. Eh bah oui, mon pote, je suis obligé d'être un petit peu. Sexuel, c'est se branler, hein. Eh, pas forcément, justement. Il a introduit son vagin dans un autre. Non, c'est pas comme ça que ça marche, Justine, merde. Concentre-toi. Ouais, je suis fatigué. Il a introduit son pénis dans un objet non vivant. C'est ça. Mais non mort. Il n'y a pas de matière organique exactement. Là-dedans. Non. C'est sexuel, mais il ne s'est pas branlé. Je comprends rien. Non, mais attends, c'est pour se laver la bite. C'est vraiment le père Fouras. C'est sexuel, mais ce n'est pas se branler. Sexuel, mais pas qu'est-ce pour se que branler. C'est pour se laver le sexe. Non. C'est pour une question de confort. Non, mais c'était à des fins pour jouir. Alors, non, pas du tout. Pas du tout. Pensez aux hommes. Ils, sont, ils peuvent être ils voulaient... omnubilés par quoi? Bah l'odeur, la baise, non. Les seins. Non. Le cul, la chatte. Zidane. Fortnite. Zidane. Ils ont mis leur bite dans Zidane. Bon, bah, voilà, c'est fou. Carte Panini. L'accident bête. C'est enduit la bite de Carte Panini. Une voiture. Ils sont attends, des il voitures. A fini aux urgences, c'est que ça doit pas être anodin. Il a cassé son zizi. C'est arrivé en Thaïlande. Il a fini aux urgences. Bah là, ça devient, après avoir coincé un anneau dans un bambou. Non. Attends, non, le côté de Thaïlande n'aide pas. T'es en train de dire la réponse, là ? Je suis en train de vous donner un... Et un indice. Un indice. T'as dit un anneau. Oui, avoir croisé. Un iPod nano. Un anneau de métal autour de son pénis. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il l'a mis dedans ? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Ah, non, bah, il a mis un cock ring ? Non. Il voulait bander, non ? Non. Il voulait se nettoyer, se frotter. Ah, c'était un mariage. C'était un mariage. Tu as une demande en mariage. J'ai eu des demandes. Mariage devant le château de Disney, parce que quand même. Hein, c'est... Attends, donc il s'est mis un anneau en métal autour du pénis. Ah, mais ça fait une septicémie, ça fait corps mort, c'est-à-dire que le sang passe plus et corps ça tombe mort. Quoi. Mais pourquoi il a mis le nom d'un dieu de métal. Attends, mais qu'est-ce qu'on doit trouver? Qu'est-ce qu'on doit trouver maintenant que tu nous as dit qu'il avait mis ça bah dans oui. son anneau? Bah oui. À quel but? Cet anneau. Bon, je vous donne la réponse. Non. Dis-nous ce qu'on doit trouver. Les mecs sont archi nuls. Non, nous dis pas, nous dis pas. On est pas une heure près. Nous dis la réponse. Non, il y avait un but parce que c'est un anneau en métal qui vient d'un objet. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'était pas une reproduction de Seigneur des Anneaux. Non. Les hommes, ils sont obsédés par quoi? Le Seigneur des Anneaux. Et la jeunesse éternelle, c'était l'argent. Est-ce que c'était pour pousser un truc avec sa bite dans le d'objet à la manière d'un levier, par oui, exemple. Voilà. Oui, non, pas du tout. Attends, non, okay, cet anneau fait partie d'un plus gros dispositif. Un pneu. Non, pas un pneu. Non, mais t'es un pneu. Tu crois que ça fait quelle taille une bite, putain. Un pneu de Hot Wheels à la limite. Ouais, un pneu de Lamborghini, parce qu'on connaît les hommes. Ouais, ça va trop vite, je suis plus là. Attends. Est-ce que cet anneau fait partie d'un plus gros dispositif? D'un plus gros dispositif par rapport à quelque chose qui peut obnubiler les hommes. Mais les hommes, l'humanité, l'humanité. Non, non, l'homme, l'érection. Non, mais c'est pas l'érection, c'est un truc qui fait bander. Par quoi ils sont? Je vous donne la réponse. Il y a, y a d'autres questions. Que je déteste. Mais oui, mais vous savez, en plus, ça me gâche. La réponse est déceptive. Mais... C'était dans un agrandisseur de pénis, tout simplement. Il voulait agrandir son pénis. Oh. Hélas. Et j'étais pas loin avec les seins, vous m'avez dit. Et la bagnole, ouais. Ça n'a rien à voir. Zidane, c'était plus proche que les seins. T'étais pas loin. Rien à voir. Je vous explique, c'est arrivé malheureusement à la Saint-Valentin. En fait, il a voulu impressionner son rendez-vous de la Saint-Valentin en agrandissant son pénis. Et en plus, c'est pas immédiat. Ayant entendu dire que les anneaux pouvaient créer cet effet. D'accord. D'accord. Donc il s'est dirigé vers sa boîte à outils. Et confectionné un petit machin avec un anneau dans un espèce de boulon. Oh non, il a fait lui-même, il a fabriqué. Il a utilisé de l'huile pour bébé pour faire glisser son membre dans l'anneau. Rien ne va, hein. Rien ne va. De l'huile pour bébé, c'est quoi déjà? Hélas. Ça n'existe pas. De l'huile pour bébé. Qu'est-ce que c'est que de l'huile pour bébé? C'est des lubrifiants. C'est quand le bébé, est en panne. Bah, si ton bébé frotte, si le bébé commence à frotter, tu l'huiles un peu. C'est ça. Je fais à la révision de toute façon. Sinon, c'est un coup à casser le bébé. Ça, je te dis, sur un long voyage, ça glisse. Non, mais de l'huile pour bébé, je pense que c'est de l'huile, oui, effectivement, relaxante ou pour les douleurs. Des trucs comme ça, tu vois. Non, je sais pas. Bah, moi je pense que si. Et okay. Pour faire. Comment ça me met pas à l'aise hein, ce qui se passe. Bref, le lendemain, son pénis avait commencé à enfler et les douleurs ont commencé. Pire, impossible d'enlever l'anneau de 3 cm de large. Voilà. Donc l'homme a finalement appelé les secours le samedi dernier après avoir lutté depuis vendredi midi. Il y a des images que je vous épargne, voilà, montrant les médecins utiliser des pinces spéciales pour couper l'anneau. Pendant que l'homme souffre le martyr. Voilà, évidemment. Ah là là, le con. Presque bien fait quand même. Donc ne faites pas vous-même. Ne mettez pas vos bites dans des boulons. Pas de bites dans les boulons. Pas vous-même vos agrandisseurs. Allez chez des professionnels qui font ça très bien. Pas de bites dans les boulons, c'est un polar d'ailleurs qui est super. Avec Arletty. Alors, une femme a gagné le prix du pire tatouage de l'année 2020. Et effectivement, en termes de timing, ce n'est pas dingue. À votre avis, que s'est-elle fait tatouer? Pangolin. Alors, est-ce que c'est un rapport avec le Covid déjà? C'est un rapport avec le Covid. C'est un rapport Raoult. Une union? Non. C'est pas en France. C'est un rapport à un truc de couple ou pas? Pas de truc en rapport avec le couple. Ah. Est-ce que. Attends, c'est dans l'absolu, c'est le. Ou alors est-ce que c'est. Je sais pas, par exemple, elle a dit je ne crois pas au Covid et elle est morte du Covid par exemple? Alors non, elle est vivante. D'accord. Elle est vivante et. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est un truc comme ça ou alors est-ce que dans l'absolu, hors contexte, on. Tu vois ce que je veux dire? En fait, est-ce que c'est le pire tatouage parce qu'il lui arrivait un truc? C'est ça. Non, elle, il lui a rien arrivé de particulier, mais son tatouage qui pouvait avoir un sens okay, totalement différent. Je l'ai. Elle a fait écrire Corona, qui doit être le nom de sa fille ou je sais pas quoi. Ouais, alors c'est pas ça, mais on y est presque. On y est presque. Oh, c'est bien. Déjà. Attends, ça défonce. Elle a monté une boîte qui s'appelle Covid. Non. Mais c'est un tatouage. C'est un tatouage qui est sur le bras. Je peux vous le dire. C'est quelque chose d'écrit ou c'est un dessin? C'est une phrase, exactement. Ah, c'est une phrase connue. Pas du tout. Et c'est une phrase du genre je n'ai pas peur des virus. Enfin non. Je n'aime pas porter les masques. Alors, c'est ça, non. Bah les masques. Justine Lepotier, je vais te dire exactement ce qui est sur son bras. Il y a écrit: je suis courageusement et radicalement contre le fait de porter un masque. Ah. Sauf que elle disait ça genre un masque pour se cacher le visage. Ouais. Tu vois, un espèce de truc de. Alors, moi je pense qu'elle l'a dit pour les masques anti-Covid, et tout le monde lui a dit bah t'es trop conne, elle a dit non mais à la base vraiment personne n'écrit ça pour dire je veux qu'on soit sincère quoi. Bah écoute, je suis radicalement ça. Contre le fait de porter un masque. Non, juste en dessous elle a marqué je suis anti-vax, donc c'est pas un indice. Il y a chirurgical qui est barré, attends t'as du Tipex sur le bras. Non mais t'inquiète, ça sert rien, c'est... beaucoup d'indices. Bah écoutez, en tout cas elle dit que voilà, après moi je une mytho je pense, mais moi je crois aveuglément internet. Moi je préfère Corona, comme elle dit Justine. Ouais, on va garder je préfère ça. Qu'on garde ça. Et ben alors, toujours dans le Covid, qu'est-ce qu'un conseiller municipal brésilien a proposé pour lutter contre le Covid? De tuer les gens. Non. Un agrandisseur de pénis maison. Non plus. Vacciner la majorité de la population. Ce qui était une bonne idée. Mettre des masques. Les gens lui ont ri au nez. Les écoles. Non. C'est un truc débile, du style manger du citron, tu vois. Non, mais alors c'est un truc débile. C'est pas débile, c'est bien manger du citron. Mais... Ouais. Ça garde pas le gauche, mais c'est bien. C'est plein de vitamines. Dans certains plats, le poisson. C'est alimentaire ou pas du tout? Pas du tout alimentaire. Prier? Non. C'est écoutez, j'ai voté. On va devoir prier. Non, c'est pas ça. Je vais le dire, est-ce que c'est sexuel? Ça a un rapport avec le sexe? Pas du tout. Pas un peu. T'es où là? Est-ce que c'est censé être sexuel? Non, c'est débile, c'est ça. C'est très con, très con. Un rapport avec la merde ou pas? Non. Par rapport aux thématiques qui reviennent, c'est médical. Il avait dit que c'était pas sexuel. T'as raison de demander, mais c'est médical. Enfin, c'est genre prendre tel médicament? Non. Pas du tout. Non, c'est une pratique. Est-ce que c'est un geste à faire quotidiennement? Non, pas du tout. Un comportement? Se laver les mains? Non, pas un comportement. Et c'est... Oh, putain. Ne plus parler. Non. J'ai pensé un truc. Mais c'est pas mal. Mais c'est pas. Non, ça. Mais c'est quand même un truc qu'il faut faire. Non, c'est un truc que le gouvernement. Comment dire, un truc qu'il propose que le gouvernement fasse pour aider à lutter contre le coronavirus. Payer les gens. Non, je sais pour pas. Pour rester chez eux. Non. Il y a un rapport avec l'argent? Non, pas du tout. Non. Est-ce que c'est contraignant à faire? Non, c'est en fait pas tant. C'est vraiment le gouvernement qui s'engage à faire quelque chose, mais alors attention, qui s'engage à faire un truc. Et c'est radical, voilà. C'est un truc de grande ampleur. C'est très à la con le truc. C'est, ouais, c'est de grande, c'est de très grande ampleur. C'est genre jeter des vaccins depuis un avion, un truc comme ça. Incroyable. Ça. Non. Utiliser des canadaires pour larguer du gel hydroalcoolique par avion. C'est ce qu'a proposé. Oui, des canadaires, donc c'est vraiment pulvériser les gens. Nous pourrions au moins pulvériser notre ville. Je ne sais pas s'il existe un gel hydroalcoolique liquide, mais il serait bon de le vaporiser car le virus est dans l'air. C'était difficile à trouver, tant c'est con. Hein. Le mec parle de gel hydroalcoolique liquide. Oui, de l'alcool. Oui, est-ce qu'il y a d'autres versions que du liquide de toute façon? Moi j'ai pas un savon hydroalcoolique chez moi, je ne sais pas. En fait, c'est un savon en fait. Surtout dans l'air, mais ça doit être un méga poison. Bah non, mais là tout le monde a dit. Enfin, les gens autour de lui ont rigolé. Enfin, c'est-à-dire que personne n'a cru, bien sûr. Mais ils l'ont fait quand même. Un confrère. Il a dit peut-être des brumisateurs d'alcool dans les rues. Un confrère de cet élu a dû présenter ses excuses après avoir ri de sa proposition. Mais cette suggestion a également fait réagir sur les réseaux sociaux. Des habitants de la ville de cet élu ont notamment partagé des montages où le représentant la commune mêmes, explosant ça. Ils ont fait des mèmes explosant après. J'adore la pulvérisation mêmes, mais il était très mème hein, je crois Castex les mêmes Castex. Dis donc, son discours on l'a compris ou pas? Oh là, rien compris moi son discours. Il y avait des images là il y a 6 mois un peu plus maintenant où on voyait, c'était en Inde et en Chine, des mecs pulvériser un truc dans la ville. Oui, bah en France ça vous aussi, dit rien? Des pesticides, mais c'est de l'arnaque. Mais c'est quoi mais c'est quoi dedans? C'est genre un truc qui tue le virus? C'est un petit. Je pense pas que c'est un petit liquide vaisselle. Je pense pas que ce soit un truc qui tue le virus parce que visiblement ça n'a pas fonctionné des masses. Quelle technique a été utilisée? On reste dans le Covid, après on en sort, hein, je vous promets. C'est ce qu'on dit depuis un an. Hein. On vit dedans. T'es Castex ou quoi? J'ai un accent. Quelle technique a été utilisée par deux amis pour se faire vacciner plus vite? Se déguiser en vieux. Se sont déguisés en vieux, ouais. Bien joué, bien joué. C'est évidemment ça. Ils se sont déguisés en vieille dame, mais malheureusement, se sont fait griller. Ah, mais je l'ai vu, putain. Ah, ça me revient. En fait, j'ai vu ce truc. À Orlando, en Floride, elles ont mis des perruques. Moi, j'admire l'audace. Ça n'a évidemment pas fonctionné. C'était les vampes, vraiment. Ce qu'elles ont fait depuis 30 ans. Bah, faut bien que ça nous serve au bout d'un moment. Hein. J'ai refait ta blague avec un autre duo. Et c'était moins bien. T'avais dit quel duo? J'ai dit Catherine et Liliane. C'était moins pertinent. Je me suis. Ouais, mais t'as fait la. Voilà, comme ça, il y a deux publics qui peuvent se retrouver dans la blague. Et ça, c'est vraiment. Je me dis, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas les vampes. Et on les embrasse vrai. D'ailleurs. Les vampes, qu'est-ce qu'étaient les vampes? Deux femmes. Non. Ah oui, c'est des femmes. On a cru que c'était des mecs déguisés. Ce qui est flatteur déjà. Vous êtes pas des mecs? Ah non, vous avez. Ok. Mais vous êtes déguisés là? Non, même pas. Ah putain, ok, d'accord. C'est vraiment bien fait. C'était très déguisé. Deux femmes humoristes qui étaient déguisées en très vieilles dames qui parlaient de trucs de vieux. Qui ont été un peu, à mes yeux, plagiées par les Bodins. Exactement. Plagiées aussi par Mado la niçoise. Un peu. Mais qui est vraiment vieille pour le coup. Plagié par le filtre Snap où t'es vieux. Aussi, voilà. Plagié par les vieux d'ailleurs. Une statue de cire a été retirée d'un musée. À votre avis, laquelle et pour quelle raison? Alors, une célébrité? Une célébrité. Dans quel pays? C'est le musée Tussaud. Je vous dis ça dans deux secondes. Au Texas. Non. Ben Laden. Non. Ils ont dit bon les gars. Non, déjà de base pourquoi on avait Ben Laden? Qui l'a fait celle-là? Peut-être ça parce va maintenant. On voyait les organes génitaux. Pose, dans une pose un peu rigolote. Et tout. Tu peux te prendre en selfie à côté. C'est comme la poubelle du parc Astérix où tu lui mets du papier dans la bouche, il fait pas oh merci. Très fin. D'accord, ça aide les gens à jeter leur détritus, mais pourquoi ça... Ben Laden? Tu as dit quoi, Justine? C'est pas ça. Je sais plus ce que j'ai dit. Bon, c'est pas grave. On t'a évidemment coupé la parole. Oui, voilà, t'as trois mecs là comme des connards. Non, attends, j'avais dit. Bah, dis-le, mais non. Bon, coupe le micro de Justine, merde. On voyait ses organes génitaux. Non, pour dire ça, non mais pour dire ça, non, pour dire ça. Ouais, on essaye d'avoir un standing. Ça coupe la parole. Oh, putain. Je parle d'Astérix, c'est un truc pour les gosses en plus. Les seins obsédés, les hommes, les seins, voilà. L'image qu'on a de nous. Alors que c'était Zidane. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait des atrocités? Ouais, c'est ça que j'allais dire. En 39-45. Quelqu'un. Parce qu'elle ressemblait un peu. Elle avait la coupe d'Hitler, elle ressemblait Spacey, à Hitler. Non. Oh oui, c'est Kevin Spacey. Pas Kevin Spacey. Mais un truc dans le genre un peu. Est-ce qu'il était cancel? Michael Jackson. Weinstein. Non, c'est pas quelqu'un qui a été cancel. Non. Mais c'est pas quelqu'un de très. Ils ont prévu qu'il allait peut-être être cancel. Ouais, ils ont flippé. Ils ont entendu des rumeurs, ils ont fait on l'enlève avant. Non. C'est un acteur ou quelqu'un du cinoche? Non, pas du tout. Est-ce que c'est quelqu'un de connu ou pas? C'est quelqu'un de très connu. D'accord. Jésus. Sinon, non, c'est nul. Moins connu. Alors, un chanteur. Non. Moïse. Non. Ah, mais c'est genre Trump. Alors, il s'agit de Trump. Ah. Et à votre avis, pourquoi? Bah, parce que les gens l'attaquaient. Exactement. C'est une statue qui n'arrêtait pas de se faire frapper au visage. J'adore. Moi, je veux la racheter, putain. Et donc, ils ont été obligés de l'enlever parce que j'aime pas Trump, hein, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, un gros raciste, à mon avis. Je le déteste. Et donc, les gens sont trop violents, ils l'abîment en fait. Enfin, ils abîment la cire, donc Fallait le laisser un peu charcuter. Ah, oui. Il se fait prendre des patates et donc, du coup, ils l'ont enlevé. Alors, le Ben Laden, nickel, personne n'y touche. Tout se passe super. Ah, donc, ils l'ont remplacé par Jeff Panaclock. Pas du tout. Comment une mère de famille s'est vengée des pom-pom girls qui embêtaient sa fille elle-même pom-pom girl? Alors, a coupé les cheveux. En les tuant. Tu l'as vu passer? Non. Ah non, j'allais dire, j'allais dire, elle les a contaminés au Covid. Non. Oh. Aucun Covid dans cette histoire. Aucun Covid. C'est fini, Covid, on a dit. C'est vrai. Ça n'existe plus. D'ailleurs, sortez sans masque. Hein. Ouais. C'est fini. Est-ce qu'il y a un rapport avec de la merde? Aucun. Ah bah, j'ai Justine, regardez, écoutez l'autre. Non, c'est pas sexuel. Ça c'est de la médecine. C'est des sciences. En plus, j'ai rien dit, moi. C'est vrai. T'es le seul qui avait rien dit. Pardon, j'ai perdu un allié. Mais bien sûr. Attends, c'est quoi pour. Alors, c'est pas couper les cheveux que j'ai entendu. Est-ce qu'elle les a percutés avec sa voiture? Non. Est-ce que c'est violent? C'est physiquement violent. C'est pas physiquement violent. Elle aura fait. Mais mentalement. Oh oui. Oh là oui. Pardon, non. Mentalement violent. Elle a fait un post sur Facebook. Non. Acidulé. Acidulé. Pas acerbe. Acidulé. Un petit bonbon. Elle les a frappés? Non, c'est pas violent. C'est pas violent. Ah pardon, excusez-moi. Mais aucun problème. Est-ce qu'elle les a enlacés? Ce qui n'aurait pas de sens par rapport à... Ah, dis merci. Il y a un peu de torture psychologique, un peu. Énorme torture psychologique. Est-ce que c'est un rapport, quelqu'un dit Facebook, mais il y a un rapport avec Internet ou pas? Il y a un peu un rapport avec Internet. Elle a posté des trucs en rapport avec elle sur Internet. Exactement. Des sextapes. Ah non, des photos un peu où elles sont moches. Non, c'est pas ça, mais vous êtes pas loin, c'est une histoire de photos. Des montages photos nuls. Est-ce qu'elle s'est fait passer pour elle en postant des trucs? Non, mais Teddy est quasiment dans la réponse. Quoi, j'attends un terme précis, mais... Des montages photos. Séquestrés. Des mèmes. Non. Ah, des montages photos. Vidéos. Face swap. Non, mais c'est un ça. Un filtre Insta. Des deepfakes, en fait, tout simplement. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait. C'est la traduction française, montage photo. Travaille à la CIA, là, meuf. Le jour où ma daronne fait un deepfake. Alors là. C'est clair. Parce que ma mère, le max qu'elle ait fait en électronique, c'est Tetris. Hein, donc, c'est vraiment le deepfake où t'as le blanc dans les cheveux. C'est vraiment le mal découpé, horrible. Bah, à l'ancienne, avec des paires de ciseaux, je pense. Tout simplement. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, trois jeunes filles du comté de Bucks ont commencé à recevoir des photos et des vidéos d'elles les représentant en train de se déshabiller, de boire et de fumer. Et donc leur entraîneur de cheerleading, donc de pom-pom girl, ont reçu les contenus obscènes et ont finalement eu envie de les virer, tout simplement en disant mais en fait vous n'êtes pas pur, vous savez aux États-Unis les gens sont très relous. C'est Miss avec France. Ça. C'est Miss France, exactement. Okay. Et donc du coup elles ont commencé à flipper. Elles ont dit mais non, c'est pas nous, ce sont des montages, ce n'est pas nous. Et les enquêteurs ont débusqué le coupable. Il s'agissait d'une américaine de 50 ans, mère d'une pom-pom girl visiblement en concurrence avec les trois jeunes victimes. En utilisant des photos prises sur les réseaux sociaux, la coupable avait pour objectif de créer des contenus compromettants pour les rivales de sa fille grâce au deepfake qui permet de faire en image n'importe quoi à n'importe qui. Et cette femme, c'est Nicolas Canteloup. Tout simplement. Alors ça, c'est d'un cafard, ce truc. De Canteloup. La Canteloup. Vous avez déjà vu cette émission? Non, ou pas? J'ai tombé dessus une fois, oui. Ouais. Je crois que c'est tous les gens qui veulent regarder Koh-Lanta qui tombent dessus. Il y a un vrai truc. Ouais, mais je connais pas. Il y a quand même Alexandra Sublet. Elle est magnifique, cette Elle dame. Est magnifique et c'est une très bonne animatrice, mais moi, c'est pas ça le problème. Non, c'est pas ça que je pointais. Ah, il y a le gars qui fait les animations, là. Lui, tu cours. Non, mais Nicolas Canteloup, en fait, fait des imitations et en fait, il met. C'est du deepfake, en fait. C'est-à-dire que c'est le visage de Macron. Et en fait, tous ils sont chauves pour que tu te rappelles que c'est Canteloup. Pour éviter qu'il ait un procès, en fait, surtout, je pense. Et donc, du coup, c'est extrêmement oppressant à regarder parce que c'est vraiment les. C'est bien fait un peu ou... Non. Bah, c'est middle, des fois. Mais tu vois que c'est. Non, parce qu'il y a vraiment y a un filtre Snapchat où tu peux te coller le. Non, c'est un peu mieux fait que ça. Ouais. Franchement, c'est un peu. Non, non, c'est pas mal fait. C'est pas si mal fait, moi, je trouve. C'est suffisamment mal fait pour être mal à l'aise. Ouais, voilà. C'est vraiment. Oui, c'est un peu le Uncanny Valley. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Non, mais c'est pas le truc de Tom Cruise qu'on a vu passer là où là, c'est carrément confusant. Un peu c'est grossier. C'est pas live l'effet, c'est pas. Non, ouais, je pense que c'est enregistré. Ah, non, et cela dit, il campe un meilleur Bakri que moi. Bon, ça m'étonnerait quand même. Bah, après, voilà, tu nous l'as pas vendu, mais peut-être qu'il arrivera pendant l'émission, j'espère, pour qu'on puisse vérifier. Franchement, c'est quand. Parce que, bon, il y a tout un truc autour de l'imitation de Bakri que je m'entraîne à faire, on va dire. J'ai clippé tes deux imitations de Bakri, elles sont en clip sur la chaîne d'Antoine. Ah bah non, attends, il va nous les offrir, attends, bon, voilà. Je les ferai peut-être tout à l'heure quand je serai un peu plus à l'aise. Et je suis tombé avant le Koh-Lanta où je sais plus ce qu'on voulait mater. Et il y avait Canteloup qui faisait Bakri. Ouais. Et franchement, il le fait pas mal. Je t'ai pas envoyé mal. Le lien. Et on s'envoie nos imitations comme ça. On passe des bonnes soirées. Parce qu'on travaille un peu de nos imitations. Vous avez un spectacle, je crois, qui voilà, quand les théâtres. Fait, nous, on a fait par élimination. On a fait cinéma, ça a l'air mort. Radio, il se passe pas grand chose. Qu'est-ce qu'on a là cette année? Ouais, il y a un floodcast. Et bon, et j'ai l'impression que l'imitation, il y a un boulevard. Ouais, il y a un truc où il y a un truc à prendre. Nous, on a plus que ça. Le dev, c'est mort de ton côté. Moi, YouTube, ça fait 3 ans que j'ai rien fait. Le dev, en général. Le dev, c'est terminé. C'est terminé avec le Covid et tout, ça a dégagé ça. Il n'y a plus rien. Et imitation, il n'y a plus personne sur le créneau. On dit qu'on pourrait devenir les numéros 1 assez rapidement. Bah, c'est vrai que vous avez personne en mais face. On avait oublié Canteloup. Et là, je l'ai vu, je fais merde, on a de la concurrence. Regarde, putain, son Bakri est pas mal. Mais à deux, on peut faire mieux, putain. Vous pouvez faire un duo de Bakri, ça pourrait être vraiment magnifique. Quel plus bel hommage, franchement. Quel plus bel hommage on peut lui faire. On attend le procès. Pourquoi un apiculteur d'Ardèche a dû arrêter de produire son miel? Car ça le piquait. Les guêpes. Les abeilles. Ah, est-ce qu'il avait un goût à la con parce qu'elles allaient butiner sur des fleurs Alors c'est pas exactement ça, mais c'est un petit peu ça. Bon. C'est des fleurs à côté d'une centrale ou un truc chimique et du coup son miel était. Il y a un élevage de cochons à côté, elles allaient butiner c'est du coca. C'est pas vraiment ça. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ce miel avait énormément de succès. Les gens qui le mangeaient l'adorent. Ah, du shit. Cannabis, oui. THC. Alors oui, mais les jeunes, ils adorent ça. les gros fumeurs de weed. Les gros fumeurs de weed. Après, ils sont bien pêcheurs, les gars. Eh, Holy Jones, c'est ils sont pêcheurs de ouf, les mecs. Quand ils ont fumé la moquette et tout, hein. Ils sont rabattes. J'ai jamais entendu ce truc. C'est dans une chanson. Putain, je suis rabatte. C'est un truc de rabat. C'est de Checky Cario là. Oui. Oh, j'ai les mecs sans oui. la viande. Je suis rabatte là. C'était Macri, hein. Ah non, pour moi c'était un gars du sud. C'était un mec du sud. Il fait le père du croc en fait. C'est clair. C'est Jean-Pierre Bacri alors. Et le pauvre pompon. Alors. Juste il est choqué. Je le retenterai, mais j'attends parce que là tout le monde me guette. Bah, surtout préviens en fait avant que je fasse. Non, non, moi, non, pas, non, non, il va se mettre la pression s'il prévient. Mais non, mais rabat, vous connaissez pas? Je suis rabat. Non. Non, jamais. Ça veut dire que t'es un peu. On a compris. C'est un truc de bourguignon. Je vais être rabat. Non, non, c'est. Je suis rabat. Être ivre, sous, chaos ou fatigué. Et ben voilà, section d'assaut. Putain, je suis rabat. Je sais plus où je me trouve. La boîte, la machin, la truc ou la douche là. Maître Gibbs. Quand ça se tape des barres, machin. Exactement. Ça fume des sbarres. Ça fume des sbarres. Ouais. C'est What You By Night. Exactement. C'était un quiz qu'on a créé au milieu. Et venez sur Twitch, c'est comme ça tous les jours. Avec la voix de Bacri. Moi, je suis Wati content de ce qui se passe. Je suis vraiment Wati content. Pour revenir sur mon histoire de miel, 850 pots sur liste d'attente. Rémi P est un apiculteur dépassé par son succès, ou plutôt était, car sa production vient d'être stoppée par les autorités ardéchoises. C'est en Ardèche. Oh, le pauvre. Son miel contenait en effet une quantité importante de THC, tétrahydrocannabinol, bien sûr, le composé psychoactif du cannabis, estimé selon un expert local à un quart de joint bien chargé par tartine. Un quart de joint par tartine de miel. C'est quand même pas mal. C'est pas mal, ouais. Et en fait, d'où provient cette substance illégale? Eh bien, de la plantation tout aussi illégale de son voisin, qui, sous couvert de cultiver la châtaigne maintenant, avait un cheptel de près de 200 pieds de cannabis. Caché parmi les arbres et autres végétaux de son domaine. Putain, mais c'est trop bien. Les abeilles devaient butiner les plantes du voisin au lieu de butiner les châtaigniers. Et donc du coup, exactement comme tu le disais, le miel se retrouvait. Donc les abeilles étaient rabattes également. C'est vrai. Sans doute. Elles étaient wati rabattes. Elles étaient fonce-car. Alors il y a quelqu'un qui tenait à partager son malheur. C'est Lucette, 70 ans. Oh, elle avait des rhumatismes et elle bouffait le miel du gars. Elle restera longtemps nostalgique de ce miel magique, comme elle l'appelle, qu'elle et ses amis consommaient régulièrement en début de soirée. Sous forme de grog ou dans la tisane. Nos parties de Scrabble ne seront plus aussi amusantes, dit-elle. Oh, tout est faux. Là, ça, c'est le journaliste qui a inventé. Lucette, c'est le prénom que tu donnes quand tu veux inventer une vieille. C'est vrai. Tout mais mets-moi un coup de boule. Mais c'est pas ta faute. C'est faux. Il a tout inventé. Scrabble, tisane. Plus de clichés sur les jeux. On résume cette histoire en une phrase. C'est pas mal, mais il te manque 500 caractères. Invente un personnage, invente quelque chose. Faut du storytelling. Bah, Lucette, une vieille. Ouais, Lucette, bon. Elle joue au Scrabble. C'est super cliché, ça. Elle a les joues qui piquent. Bon, puis elle a des bigoudis dans les cheveux. Elle est raciste. Qu'est-ce qu'ils font, les vieux? Des grocs, ouais. Ils jouent au Scrabble avec ses amis, c'est un peu marrant. Cyril Ferraud me manquera. Oui, bon, bah voilà. Bon, je vais quand même au bout. Ça m'est bien égal ce qu'ils mettent dans ce miel tant que c'est bio, comme ils disent. Ah, si vous aviez vu nos parties, qu'est-ce qu'on a ri. Et puis on osait en mettre des mots coquins, je peux vous le dire. Oh fois. Tout est faux. Oui, Adrien, c'est sûr. On a la confirmation, tout est faux. Une fois, j'ai tellement ri avec le mot que la nini a posé que je me suis fait dessus. Non, c'est écrit. C'est toi qui l'as écrit. Non, mais donne le nom. Mediapart, mon pauvre. Eh oui, des gens de gauche. Bah, Edoui Plenel. Bah oui, des gens de gauche. Edoui Plenel, c'est ça ton taf? Bah oui, mon pote. Eh ouais. Et moi, j'ai payé cet article en plus. Donc, si tu me dis que c'est faux, ça n'est pas un site d'information. C'est un site de ragot. Alors. C'est Nadine Morano qui a dit ça. On nous a beaucoup envoyé un tweet. Tes sources, c'est beau. Nadine Morano, sponsor de l'émission. On nous a beaucoup envoyé un extrait. Parce qu'il y a une des stars de notre émission, enfin de quelqu'un qu'on cite régulièrement, à savoir Michel Sardou, le célèbre chanteur, qui est revenu dans l'actualité. Oui. Car je ne sais pas si vous avez suivi, mais en gros, il a été. Alors, est-ce que c'est les Chevaliers ou c'est la Légion d'honneur qu'il a reçu? Mais j'ai pas l'info. Je ne sais pas, je vais aller vérifier en direct live. En tout cas, il a reçu une décoration. C'est une médaille, non? Ouais, oui. Oui, ça, je l'avais, cela dit. C'est la Légion d'honneur. La Légion d'honneur. Et pas dégueu. Et c'est donc Roselyne Bachelot qui l'a décoré. Absolument. Et drame fou. Alors je ne sais pas quand vous écouterez ce podcast, mais en l'occurrence, Roselyne Bachelot a contracté le coronavirus et donc Michel Sardou s'est retrouvé cas contact. Oh là là. Terrible. Il va en faire une chanson, ce con. Virus qui nous envahit. Comme peut-être d'autres pays. Oh Michel, putain, t'as été très vite. Il avait d'ailleurs refusé que ce soit Emmanuel Macron qui lui mette la. Il avait refusé. Il voulait pas que ce soit Macron. Il voulait que ce soit Roselyne Bachelot. D'accord. Pourquoi il a refusé? Il l'a dit ou pas? Je sais pas s'il l'a dit. Attends, je vais regarder. On a une petite idée. Non, pardon. Il l'a pas dit. Alors, c'est à cause de McFly et Carlito. Il peut pas les blairer. Il déteste McFly et Carlito. Non, je voulais pas faire de fête. Il voulait que ce soit son amie Roselyne, tout simplement. C'est tout simplement. Ouais, c'est un mec de poteau. Wow. T'en es à ce niveau-là, c'est-à-dire on te remet une médaille. Je vais prendre ma pote qui est ministre. Oui, voilà. C'est plus simple. Ah, plutôt que le président de la République. Oui, je préfère. Ça m'arrange. Je la connais, je suis plus à l'aise. Et donc Michel Sardou a été interviewé par Bruce Toussaint, comme la célèbre fête de la Toussaint d'ailleurs. Bien, il est cas contact aussi. Non, il l'a interviewé en ligne. Et Bruce Toussaint a dit, mais alors, il y a quelques temps, on vous a interviewé et vous disiez détester tout de cette époque. C'est un extrait qu'on a souvent passé dans cette émission. Ouais. Il a rajouté quelque chose qui l'horripile dans cette époque. On va évidemment écouter l'extrait. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Le Covid. Non, ça c'est... Ça, il adore. Un truc sur les réseaux sociaux. Non. Pas sur Pierre Ménès. Le féminisme. Ah non, ça l'énervait déjà à l'époque. C'est vrai. La tolérance. Le genre. Non, pas du tout. Est-ce que c'est un truc un peu, parce que c'est déjà presque, faut être un peu au fait des problématiques actuelles pour dire ça. Est-ce que c'est moins sophistiqué que le genre quoi? Bah, est-ce que c'est un truc du genre les escalators quoi? Non. On sait jamais. Ça pose moins de problèmes les escalators. Moi je mets des crocs et puis des fois ça reste coincé dedans. Les crocs à Sardou qui sera le titre. Hein. on n'a pas trop le choix malheureusement. Non, mais est-ce que c'est un truc un peu basique. Il fait trop chaud maintenant en été. Non. C'est Thomas VDB, ça. Il serait vraiment devenu très vieux s'il commençait à suivre par ça, quoi. Non, c'est un truc vraiment les masques, d'actu. Non, c'est un les truc vélos. D'actu. Non. Les trottes. Ah, oh, ça c'était bien. Mais ça c'était Delon qui avait dit. Qui avait fait un coup de gueule. Ouais. Il avait dit, je sors de chez moi, puis il y en a un qui passe juste devant moi. C'est un bruit comme ça, là. Trouver cette interview. Il fait vraiment le bruit. Il a failli m'écraser. Ouais, bon, allez. T'as vieilli. C'est génial qu'il refasse tous ses fumées avec cette voix de vieux. Oh, Jules Guépard. Il a pas trottiné, tu vous m'envoyez. Ah, c'est bon alors. Oh, j'ai pissé, merde. Oh, je pisse, parole de flic. Le mariage pour tous. C'est vieux. La PMA. Hein? La PMA. Les téléphones portables. Non, mais on s'approche. Eh ben non, mais c'est un truc. Les gays, c'est les gays. Un truc avec les gays. Les femmes. Non, mais c'est Sardou donc. Non, on n'est pas loin, mais c'est un truc très précis et qui est même un peu en retard parce que c'est moins un sujet le que. Le mariage. Le Minitel. Non. Tous avec leur Minitel, les jeunes là. Tu prends de l'Igonesse. 36-15 à tout va. Tu prends de l'Igonesse. Je suis radicalement contre Xavier Dupont de l'Igonesse. L'acharnement qu'il subit. Non, mais attends. Au courant. Attends, c'est un truc de société comme ça. C'est un truc de société. Est-ce que ça touche à la sexualité? Pas vraiment, j'ai mais c'est une histoire cette de genre. À chaque truc. Est-ce que c'est sexuel ou pas? Est-ce que ça a un rapport avec la merde? Non, alors pas du tout. Est-ce qu'il y a une loi? C'est un truc avec une loi. Est-ce que c'est pas un truc avec les le fait de se dénuder ou? Non, ou de... mais c'est lié au genre. Hein. Vous étiez pas si au loin. Genre. Ouais. Genre. Les hommes qui mettent du vernis à ongles. Non. Non mais c'est Sardou putain. Non mais oui bien sûr. C'est un truc aussi précis que ça. C'est un truc quasiment. Non un peu plus large quand même. Mais c'est vraiment genre. Les hommes avec des cheveux longs. Les femmes avec les des pantalons. Les femmes qui se coupent les cheveux. Ça serait génial. Les femmes à barbe. Non. Les femmes qui mettent les femmes des jeans. Qui s'épilent pas. Non. Les magiciens. Ça aurait pu être ça ouais. Écoutez, je vais vous faire écouter la réponse. Ah oui. Oh, bah, oh je déteste. Allez bah non ouais, mais à un moment. Ça veut dire qu'on a tous gagné. Quelque part dans mon cœur vous avez tous gagné. Je me souviens, Michel Sardou, d'une déclaration il y a 2-3 ans, vous aviez dit je hais cette époque. C'était avant le Covid, oui, genre, voilà. Ça n'a pas dû s'arranger. Ah non, ah, ça je peux vous dire que là j'ai atteint, je peux attention. Plus aller plus loin. Je peux pas aller plus loin. La cerise sur le gâteau étant l'écriture inclusive. Oh, mais bien sûr. Évidemment. Mais bien sûr. Oh là là. Mais pourquoi on n'y a pas pensé? C'était sous notre nez de nuit. Putain. Oh là là. Ça, il va en faire une chanson. C'était dans la première scène du film. L'assassin était dans la première scène du film. C'est ça. L'écriture inclusive. Bien sûr, putain. Évidemment. Après, attendez, il développe un petit peu. Ah, quand même. Il y a des arguments. Oui, j'aimerais entendre. Je vais l'écrire la chanson avant lui. D'accord. Là, ça a mis fin à tout mon siècle. Pourquoi ça vous met en... Bah, essayez de réciter une fable de La Fontaine en inclusif. Ça ne s'applique pas. Donc, vous continuez... La renarde, c'est pas... Surtout La Fontaine, c'est vraiment le siècle actuel. Ce sont des polémiques, surtout. Ce sont des petits mots de ci, de ça. Bon, c'est affreux, affreux. Ouais. Vous trouvez que ça se passe mieux aux États-Unis d'ailleurs? Non, mais c'est partout. Ce n'est pas que la France, les États-Unis ont beaucoup souffert aussi. Ma petite dame. Mais j'ai une forme d'affection pour quand même. Ah bah pour ça, parce que là, c'est. Ça s'appelle un vieux en fait. Mais oui, c'est fou des. Potentiellement alcoolique, hein, Laurie. Non mais ouais c'est. Non mais il a l'air vraiment de... c'est vraiment le petit vieux dépassé tu sais par tout ce qui se passe quoi. C'est vraiment les vieux qui disent oh bah avec internet là maintenant on comprend plus rien et tout. Ça va trop vite. Moi mon arrière-grand-père il disait je regarde plus de films, je comprends plus quand il parle. Et tu dis bah il parle. Voilà c'est ça, il y a un petit côté nostalgique. Alors qu'en plus mais un film des années 40 le son t'entends rien. Alors un petit poteau là. Non pas du tout. Mais c'est vrai que ça se passe. Waouh. Batterie. Batterie. J'ai fermé les yeux, il y avait les Allemands dans la rue. Waouh, j'ai voyagé dans le temps. Eh mon Watipoto là. Nouvelle... Je vais écrire Audiard mais en même temps du Wati. Jean Gabin, oh je vais te dire une Wati bonne chose. Je vais te mettre un Watignon dans ta Wati gueule. Savez-vous ce qu'est la fictosexualité? Oui. Ah alors qu'est-ce que c'est? Bah, non mais je vais pas répondre. Ah bah c'est on peut ah, oui, alors, alors vas-y, c'est vas-y. S'imaginer des scénarios qui n'existent pas. Est-ce pas que vraiment. Ça a un rapport avec la fiction? Enfin, oui ça a un rapport avec ça, oui évidemment. C'est baiser avec je sais pas, avec un personnage de fiction. Enfin c'est un truc sexuel en rapport avec des personnages de fiction. Alors plus que sexuel, c'est de l'amour. C'est en fait c'est... être amoureux d'un personnage de fiction. D'accord. Voilà, c'est quelque chose. On est tous fictosexuels. Mais je sais pas. Alors non, là c'est des gens où vraiment ça prend de la place dans leur vie. Shrek. Non. Tu coupes ça. Le mec un peu détente. Bah je pense au nom de tous les mecs Shrek. C'est Zidane ou Shrek. Avec ses antennes. Mais, alors c'est ma question était pas tout à fait innocente, je t'avoue. Est-ce que vous avez des souvenirs de jeunesse ou d'enfance de personnages mais même de encore maintenant. Alors Justine, je t'en demande c'est, trois. C'est le concept du cinéma et de la fiction, c'est de, alors au-delà de l'empathie, c'est de tomber amoureux. Bah oui. Bien sûr. Bah il y a la meuf de scène de ménage là. La routine là. Oh mon pote. Je m'auto-aime. Non, je dirais dans l'ordre Will Smith de Je suis une légende. Will Smith dans. Oui, mais là c'est Will Smith. Ah, oui. Vraiment, c'est amour de Will Smith. Je suis tombée amoureuse du personnage de. Moi non, du chien, moi. Prince de Bel Air. Bah, merci, voilà. J'ai vraiment. Ah, Will Smith dans le Prince de Bel Air. Oh là là, mais qui s'appelle Will moi. D'ailleurs. Bah voilà, et tu diras la réalité des c'est vrai, c'est vrai. Pas si loin. Donc Will Smith tout le temps. Ouais, à chaque fois je suis amoureuse de lui. Je comprends. Moi-même. Quand il court avec son chien, là, dans Je suis une légende. Le chien, c'est l'épouse, quoi. C'est le chien qui t'a. Pardon, Justine, c'est vraiment le chien qui. Parce que t'es aussi amoureuse de Tintin dans Tintin et Milou. À chaque fois, c'est un chien avec. C'est génial de dire, t'imagines ça, dans la vraie vie, genre, bah, je suis amoureuse de lui quand il court avec son chien. Bon, c'est vraiment le chien que tu veux, c'est pas du tout le gars. Non, mais je suis pas là, j'imagine que vous aussi, vous avez eu des crushs sur non, non, rien que toi, Justine. Mais non. Ouais, là, on se souvient plus, mais vraiment, t'es pas seul. Non, non, moi, pour le coup, il y a Bakri, je crois, déjà. Je le ferai pas tout de suite. Non mais j'en avais un. Je pensais que j'en avais un, mais je me rends compte que c'est... parce que j'allais dire Buffy, mais en fait non, c'est Sarah Michelle Gellar. Enfin, voilà. Que je la trouvais. Et Titanic, ouais, Leonardo DiCaprio, on a tous été amoureux de lui. Oui, mais est-ce que c'est du personnage ou du comédien? Parce que pour le mais coup, les deux, mon général. Pour moi, ça dépend. Il est romantique et tout dans le film. Ah tu vois, ouais, y a il ça, est parfait. Attends. Dans la vraie vie, il la laisse geler et puis il se fout sur la porte et elle crève quoi. Il a la porte à la fin là. Oui, il la laisse vivre. Il la laisse. Voilà. Il non, la sauve. Dans la vraie vie, lui, il se fout sur le. Tu sur penses la porte et elle, bah, non, dans la vraie vie, il fait un bateau. Vous savez combien ça consomme? On va y aller en kayak, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est pas si mal. Il y a encore des icebergs finalement. Il reste vraiment beaucoup de place sur la planche. Hein. Mais pour répondre à ta question, Antoine, toi, tu parlais de Buffy. Mais par exemple, moi, je trouve Sarah Michelle Gellar dans Sex Intention plus sexy que dans Buffy, par exemple. Bah, c'est... Tu vois. Du coup, c'est dans les sites du réel, parce que non, mais voilà, c'est sexe ça. Dans le titre. Heureusement, non, ça c'est la version française, parce que dans la version américaine, ça s'appelle Cruelle Intention. Ouais. C'est vrai. Et en fait, on dit si on mettait sexe, c'est droit au but. C'est vrai. Sexe de meuf, ça s'appelle. On l'appelle sexe de meuf. Ça s'appelle La Chatte à Buffy. Non, il y a plus rien. Il y a plus rien. Il y a plus rien du tout. Le brode a répondu, ça va s'appeler La Chatte en fait. On l'a tranché. Les hommes aiment bien ça, il est Lamborghini. Non, ben voilà, ça va vendre. On avait ça ou La Chatte à Zidane, et on a dit. Ah, La Chatte à Zidane, bon titre aussi. Ça donne une méditation. Moi, il y avait Vera dans Scooby-Doo. Vera. Ouais. Et pas Daphné. Ah, je l'ai joué aussi. Ouais, là, ouais, non, plus elle. Vera, non, c'est celle avec les lunettes là. Ouais. Ouais. Tu l'as joué. Oh, loser, attends. Les chouchas. J'ai rien dit. C'est pas radiophonique. C'est, ouais, c'est pour ça. Attends, il devait être fatasse parce qu'on les voyait à travers le pull, hein, quand même. Et c'était des dessins, hein, donc. Non, mais elle était cute. Elle est. Non, mais moi, tu noteras que j'ai rien dit. T'as fait un clin d'œil pour les auditeurs. T'as ouvert tes deux mains. Quand elle a dit que les hommes aimaient les seins, j'ai pas dit. J'ai pas protesté. Elle a dit pourquoi t'aimais bien Vera. Tu as ouvert tes mains. Elle était cute. Et. Attends, t'as dit cute en faisant un globe, comme si tu tenais un globe dans la main. Non, c'était c'est un geste sophistiqué de duc. C'est de la délicatesse de noble. Et c'est justement pour atténuer un peu le fait qu'après je dis, et aussi elle avait deux chouchas immenses. Ça était déjà. Bah voilà, bah quoi. c'est du physique, on a le droit d'être. Voilà. Bien sûr. Si j'ai pas le droit de dire que j'aime les seins, mettez-moi les menottes. Hein. J'ai pas dit que c'était juste ça. C'est un ensemble harmonieux. Ça et le fait qu'elle résout vachement bien des enquêtes. Elle est intelligente. Elle est mignonne et tout ça. Elle est cute. Et alors pourquoi plus que Daphné? Bah je sais pas, c'est mes goûts. Ah non, j'ai fait Daphné, excusez-moi. Toi, c'est Daphné que t'as fait. Pardon, excusez-moi. Ah. Dans un sketch de Bat et Gaël. Bah oui, j'étais. Dont Adrien était Déa. J'étais là. Ouais, il était là. Tu jouais pas dans le sketch? Si. Merde. Merci. Mais c'est beaucoup de mes rôles tout à fait oubliables. C'était moi le mec à qui on enlève le masque et c'était moi le tueur en fait. On a fait une journée ensemble, ouais. Justine, j'étais mais pas le majordome, enfin le mec. Non, mais c'est pas grave. C'était un ego. T'aurais jamais fait ça au vieux de scène de ménage. Voilà. En même temps, il est assez. Il y a que lui dans scène de ménage et Marion. C'est vrai, ça. T'aurais vraiment été ordurière de dire mais quittez. Quittez, mon gars. Teddy. Moi, il y avait une combattante dans Tekken, le jeu vidéo. Ah, le Raptor. Non, pas du tout. Il y avait un dinosaure. Yoshimitsu. Ah ouais. Oui. Non, je crois qu'il s'appelait Michel, une indienne, amérindienne. Pas Michel Sardou, rien à voir. Mais une amérindienne qui était très jolie dans Tekken, donc j'étais un gros geek. T'avais quel âge à cet âge-là, pardon? 24. Et 24. Non, je sais pas, 13 ans, 14 ans. 13 ans, ok. Oui, ça commence. À cet âge-là. Ça date, hein. À cet âge-là, ça commence. En même temps, ils vendaient beaucoup. J'ai vu une vidéo d'ailleurs du joueur du grenier qui en parlait. Ils vendaient beaucoup des trucs. Enfin, tu vois, tous les Dead or Alive et tout. C'était quand même. Ah oui, c'était quand très on était axé ado, sur, c'était très axé sur ça. Hein, très décolleté. Ouais. Vraiment. Bah, nous, il n'y avait pas internet. Les VHS, c'était technique de s'en procurer. Donc, les segs, c'était. Après, j'ai pas dit que je me branlais en jouant non plus. Hein. Je sais pas ce que tu entends, là, Antoine, mais. Ah bon, bon, pas dit ça. J'ai trouvé jolie. C'est pas ça la question. Le mec, il envoie tout. Et alors, on avait pas internet, on est bien branlé sur la PlayStation. Les grosses branlous, nous, on avait que ça. T'as un problème, hein. T'as un problème, toi, non? Parce que là, la personne qui parlait de sa fixio-sexualité disait que quand elle était vraiment jeune, c'était Max de Dingo et Max, par exemple. Ouais. Adrien, toi, tu disais Vera de Scooby-Doo. Toi, quand tu dis Will Smith, je vois l'acteur. Est-ce qu'il y a des personnages de dessins animés qui t'ont, Justine, un peu stimulé, jeune? Bah, j'en ai pas de précis là, mais je pense que tous les bêtements, tous les princes de Disney ont dû influencer. Ouais. Mais ce qui est pas bien. Et c'est vrai que je connais ton mec, c'est un beau prince. C'est vrai. C'est Aladdin. C'est Aladdin pour moi. Carrément. Et je pense que ouais, ça, inconsciemment, ça va jouer. Bah, pourquoi tu dis c'est pas bien? Écoute, pourquoi pas? Parce que c'est stéréotypé, c'est bête. Oui, c'est... Et puis on te fait croire qu'après tous les mecs sont parfaits, alors que pas du tout. Oh, et... ça va. C'est vrai? Les deux. Il y a les deux. Il y a les mecs super. Non, toi-même. Hein. Ça va. Ouais, non, je veux dire, ça donne une vision du couple, de l'amour qui pour moi ne correspond pas du tout à ce qu'il y a. Ah bah, et ça sûr. Nous induit en erreur. Après, jamais emmené faire du tapis volant. Ouais. Par exemple. Moi, après, c'est... heureusement qu'il y a des œuvres de fiction qui ne montrent pas la réalité. Ouais. L'ennui. Des fois, non, mais tous les Disney doivent être très réalistes. Cela dit, ça évolue parce que maintenant, des fois, il y a pas d'histoire d'amour. Enfin, tu prends les Vaiana, les Reines des Neiges, oui. Ou les trucs comme ça, il y a plus d'histoire d'amour. Ça reste pas réaliste. Ouais, c'est vrai que si tu t'es dégoûté, est-ce que tu peux pas cracher de la glace? Voilà. Ouais, non, ça c'est vraiment. Moi, c'était Lola Bunny de Space Jam. Oui, ah, bah, bien sûr. Ah. Bah, qui, à qui ils ont fait le une lapin. Réduction mammaire récemment là. Qui a été un immense sujet de société. Oui. Parce qu'elle n'a plus de sein dans le 2. Et alors là, sur internet, ça a jasé, mon pote. Alors là, les gens. Comme des ouf. Ah bah Antoine a gueulé, il se branlait. Pareil sur, sur Space Jam 1 et le 2, je peux plus me branler. Mettez-moi tout dans la gueule. Mais surtout que c'est moi qui ai parlé de sein de personnage de dessin animé, mais ça te retombe dessus. C'est pour moi, je prends tout. Tu veux, tu sais, tu vois qu'on veut t'énerver pour que tu dises ça m'énerve en imitant. On a l'impression qu'on peut plus rien dire. En imitant Jean-Pierre Bacri, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on te demande. Ça m'énerve, ça. Ça. Pas mal. Un petit peu. Personnage de dessin animé. Je me fais juger. Mieux. T'avances petit à petit, on y arrive. Horrible, je me déteste. Non, mais j'aime bien, je me sens coaché. C'est comme ça que tu vas t'améliorer. Personnage de dessin animé, Antoine, t'en as ou pas? Non, mais par contre, effectivement, le côté je rêvais d'avoir comme pote Marty McFly quand j'étais gamin. Tu vois, mais c'était pas trop les trucs d'enfant, mais ouais, des personnages de fiction où je rêvais de les avoir en pote. Ça, c'est... mais ouais, Marty McFly pour moi, tout petit, je l'avais maté, j'avais poncé la VHS, ouais. Mais j'avais trop envie de l'avoir comme copain, quoi. En même temps, il faisait du skate, il était cool. C'était pas un peu un loser au début? J'ai pas trop, je suis pas le podcast. Merci. Ici, hein. Non, mais. dans le film au début, il est pas un peu nul, McFly, non? Non, il est cool. Non, il est cool. Il est cool. Instant cool. Okay. Merci comme toi. D'avoir supposé. Et comme moi d'ailleurs à l'époque. Hein, on devait être au lycée de la droite, hein, je crois. T'étais dev. J'étais le dev du lycée. Non, j'étais un peu tocard et ça m'a. J'étais content. J'aurais rêvé avoir le. Tu vois ça en grand frère cool. Bien qui t'emmène faire des trucs. Voilà. Bah, bien sûr. Nouveau petit jeu, les amis. Alors, j'ai une question. Je suis allé sur Vinted. En fait, j'ai supprimé mes réseaux sociaux. Voilà, je vous le dis. Non, mais j'ai pas supprimé mes comptes. Mais j'ai supprimé mes réseaux sociaux de mon téléphone. Ah oui, c'est moins stylé. C'est moins stylé. Ouais, mais si... le chauffe-froid, je les ai effacés de la tablette parce que maintenant elle est juste dans les toilettes pour quand je regarde fraise quand je chie. Donc là, j'ai sur mon ordi. Là, j'ai tout effacé, mais vraiment que sur la tablette. Ok. Mais je vais sur le navigateur en fait, sur la tablette, ça me démerde quand même. Ouais, vous me chémez ou quoi? Oh, je suis pas d'accord. Non, mais en gros, j'ai supprimé les réseaux sociaux de mon téléphone parce que je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux sur mon téléphone quand je faisais rien. Ouais. Même Insta. Même Insta, ouais, j'ai tout supprimé. J'ai tout supprimé quand tu m'as... Non, c'est oublié. Et donc du coup, j'ai Vinted et je vais beaucoup sur Vinted. Ouais, pas spécialement pour acheter. Non, mais pas pour acheter des trucs, mais pour voir des objets et des fois des vieux jouets que j'avais quand j'étais jeune et des trucs. Et ça me fait marrer de les voir ou de voilà, ça me c'est plonge. C'est plus productif, tu trouves? Tu penses vraiment que t'as gagné du temps? Donc aujourd'hui, je suis un nouvel homme. Voilà, que l'homme qui se présente devant vous mais n'a rien à voir. Tu postes sur Insta, tu postes. Oui, oui. Depuis quoi, du coup? De ses chiottes. Depuis ses chiottes. Depuis mon iPad pour le coup, depuis ma tablette. D'accord. De mes chiottes, exactement. T'as un CM? Non mais attends, mais non mais le mec nous fait un effet. J'ai plus Insta sur le téléphone. Mais t'as fait une story tout à l'heure. Ouais, parce qu'en fait j'ai la tablette là. Qu'est-ce que c'est juste pour vous dire que tu vas sur Vinted. Mais va à l'essentiel. Dis, je vais sur Vinted. Excusez-moi, le professionnel du podcast. Mais non mais pardon. Je sais pas, c'est une construction. T'es scénariste, mec. Que dirait un acteur français? Un scénariste français qui a eu des Césars. Il dirait quoi devant une piètre narration comme ça? Un mec pourrait l'agacer par exemple. Pour manifester son courroux. Ah, n'importe quoi. Donc là, je dis Flaubert se met une lentille dans l'œil. Ma lentille qui s'est barrée. Tu te perce l'œil vraiment pas agaçant. Ma lentille est tombée, donc je la remets. Ce que je voulais vous dire, c'est que je suis allé sur les têtes, tout ça, c'est pour vous dire que j'ai tapé t-shirt rigolo. D'accord. Je suis tombé sur des t-shirts avec des blagues. Donc je vais vous dire ce qu'il y a écrit sur des t-shirts. À vous de me dire si ce sont des vrais t-shirts que j'ai trouvé sur Vinted. Attention parce que... Ah oui. Non, c'est pas des trucs comme on avait déjà parlé, genre si tu cherches un bordelais mécanicien, ouais, machin scorpion, et tout. Parce que je me suis beaucoup renseigné sur le t-shirt de merde. Donc, alors tu peux expliquer pourquoi d'ailleurs. Pourquoi? Parce que j'ai fait deux lives, il faudra que j'en refasse d'ailleurs, où on créait des t-shirts de merde sur Twitch. Et notamment, je sais pas si vous avez déjà vu les t-shirts où il y a marqué cette femme appartient à un mec et c'est des trucs hyper spécifiques, genre. Et donc on avait fait où il y a une typo par ligne et tout. Ouais. On avait fait ça et on avait aussi fait un très très beau t-shirt parce qu'il y a un type de t-shirt de merde qui est le t-shirt qui fusionne deux trucs. et on avait fait un t-shirt Animal Casting et c'était, c'était Tom Nook qui faisait le qui était en Brise de Nice. Animal Casting. Et on avait parlé dans cette émission, mais moi j'étais tombé sur le vortex des t-shirts hommage au 11 septembre, où c'est des dessins de personnages des pop culture qui pleurent devant les tours jumelles. Ah, et il y en avait un fabuleux d'Astérix et Obélix, où Obélix faisait un menhir en tour jumelle avec Astérix qui pleure à côté. Qui a pris le temps mais même de faire le dessin, mais Uders, de foutre c'était dans les dernières BD ouais, où le méchant c'était Ben Ladenix. Il a vraiment plus beaucoup de force sur la dernière littérature. Oui, on va le sortir, on va le sortir, Uders, t'inquiète. Donc je vous lis des t-shirts, à vous de me dire s'ils sont réels ou s'ils ne sont pas réels. Je rote, je pète, rien ne m'arrête. Bon, faux. Moi bon, vrai. Je dis vrai. Je rote, je pète, je suis une paillette. Tu vois, mais non, c'est des paroles de la salsa du démon, ça. Ah bon? Je rote, je. Non. Oui, peut-être, mais si. Ça. Je rote, le... je pète, rien ne m'arrête. Oui salsa du. Oui. Je rote, je pète. Rien ne m'arrête, car aujourd'hui c'est la fête, c'est la salle. C'est vrai. C'est fou, Adrien. Bah, ça existe en tout cas. Oui, c'est, bravo. Bravo. 3 euros XL. Ah, c'était une introduction à ton jeu, ton truc de Vinted. Oui, c'était pas grave. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, putain. Je plaisante. Écoutez, lève-toi et marche. Mais lève avec écrit L-E, 2-F-E. Oui, la bière. Existe. Oui, ça existe. Elle existe en double XL à 13 euros. Ah, c'est plus cher. T-shirt noir, femme imprimée, lève-toi et marche, parodie, marque de bière, drôle, humour. Ah, je vous le dis. Ouais, ouais. Manger... Limite, ça, c'est mieux sur le t-shirt. Franchement, c'est trop bien comme le t-shirt. Le concept. Comme ça. Tu mets la t'imprimes la légende. La légende. C'est trop bien. Ne mangez plus de thon, mangez du con, il y a du stock. Oui, c'est de toi. Existe. Pour moi, c'est de toi, ça. Ça me paraît un peu facile, ouais. Je dis que ça. Enfin, moi, je dis que c'est vrai. Je dis que c'est vrai, moi. Ça existe. Ouais ouais, ça existe. Ouais. 3 euros en S. Les mecs, c'est comme les rideaux de douche, ça colle au cul. Non, ça existe. C'est vrai. Alors ça, alors, c'est un truc d'agenda ça, du collège, mais c'est peut-être pas un t-shirt. Si c'est un agenda, ça peut être un t-shirt. Je dirais que oui. C'est un t-shirt. Oh, c'est un t-shirt Undies. Donc c'est une vraie marque. Oh, en plus, il n'y a même pas un truc de. Mecs, putain, mais le piège, c'est que ça va être tous des vrais, quoi. Non. Sauf non, le dernier où c'est Sardou se fait spermer dans les feux. Il l'a fait. Il l'a fait. Non. Tu as hélas cassé un effet, mais c'est pas grave. Ah merde, pardon. Serre-moi l'apéro avec deux cornes et serre écrit C-E-R-F. Oui. Non. Non, ça non. Serre-moi l'apéro en fait. Ça va être vrai, putain d'enfoiré. Non, c'est vrai, moi. Moi, c'est vrai, ouais. C'est tout à fait vrai. Ouais putain. C'est quoi la cible? Mais je vais vous le montrer. C'est deux cornes avec écrit serre-moi l'apéro. Mais pourquoi faire? Mais quelle est la cible? Si t'aimes la chasse et l'apéro, ce qui est souvent ouais, en jeu. Ouais, c'est vrai, d'accord, ouais, c'est vrai, ça se tient en fait, c'est un carton. Et les mecs ont tout compris. J'investis. Pulp Friction, et c'est un mec qui est derrière Matterman et qui se frotte. Oh, j'espère. Non, celui-là non, parce mais que oui, celui-là, il est prisonnable. C'est vrai. Il est prisonnable. C'est non. C'est oui. Non. Oh. Je l'ai inventé. Je l'ai dit, j'aimerais bien le voir. Tu l'as pas? Mais bah alors, d'ailleurs, loin de moi l'idée de lancer. Non, pas sur celui-là. J'allais dire des fanarts, mais pas sur celui-là. Celui-là, pas du tout. Celui-là, non. Ne le faites pas. Peut-être d'autres, mais celui-là. Ne taguez pas, ne faites rien. Cela dit, Sardou qui se fait spermer dans les cheveux en t-shirt. Non, mais même pas. Non, mais non plus. Pas si c'est consentant. Sauf que c'est. Faut qu'il lève les deux pouces. S'il lève les deux pouces. Après, c'est a priori pas sa sexualité à Sardou, donc oh, est-ce que c'est pas une. T'en sais rien, mon pote. T'en sais rien. A priori. C'est pour déconner, on peut plus rien dire. Un t-shirt. Un t-shirt artisanal, mais en trois mots. Art is anal. Ah, oh, trop bien, je le veux. Oui, oui, il existe celui-là. Ouais. Oui, je dis oui aussi. Ouais. Il existe et il coûte 8 euros. Petit... Je pense qu'il est beau. Moi. Et écoutez, il est pas si mal. C'est du Helvetica, non? Tu assez non, mais voyez, il y a pas de. Il est en finesse, quoi. Il y a vraiment écrit artisanal. Il aurait vraiment écrit anal. Il aurait pu dessiner un trou du cul. Ça, il aurait pu faire l'effort. C'est vraiment pas emmerdé, le mec, il a juste écrit. Alors, un t-shirt. Alors, un t-shirt avec une bouteille de pastis où il y a écrit. Tout ce que j'ai appris en cours de français, mais où est donc mon Ricard? Oui, bien sûr, c'est ah, il est bien celui-là. Ouais. Je dis non, moi. Ah non. Oui, si, si. Si, il existe. Ah, si, bien sûr que il oui. Existe. Mais je l'ai. Tout ce qui est sur l'alcool. Vous êtes con, quoi. Sortez un peu. Hein. Ah, mais oui, tu l'as sur toi. Regardez-moi. Je suis con, il nous le porte depuis tout à l'heure. Un t-shirt The Good Fucker. Oui. Ouais, ça c'est important. Ah, au lieu de The Godfather. Ah oui, d'accord. Okay. Ah, bah, oui, le logo du parrain. Ah bah oui, tu l'as vendu. Allez, tu l'as vendu. Ouais, je vais dire non. Moi je dis oui. Ouais, non. Mais ça existe. Oh là là, tout existe. Avec tous les vodka connecting people. Je l'avais fait. Merde là. Toutes les. Il y en a trois autour de la table. Il était pas mal, celui-là. Il y avait mille. Oui, il y avait souvent des parodies de marques. Ouais, ouais, avec, marque d'alcool ou marque de. J'ai un pote qui avait Jacoste à la place de Lacoste. Je dis un pote, faut pas dire moi. Ouais, il a mal vieilli. Il a très mal vieilli. Avec un crocodile, Jacoste, tu vois, c'est vraiment. Du harcèlement. Alors, celui-là, il est vraiment. Un conseil, fais pas chier. Comme la marque la Nescafé, fait. Mais il y a écrit mais fais oui, pas c'est, chier. Bien sûr, oui. Oui, ils sont ah plus en plus. Mais légalement, ils n'ont pas le droit d'utiliser les mots. Légalement. Madame la juriste. Bah, attendez. Bah, je vais quand même demander à mon avocat, mais il me semble qu'il n'y a pas le droit d'utiliser la marque. Et bien ça existe. Ça existe. Ouais, ouais, avec oui. Écrit spécial filtre à pénible. Oh là là. C'est une traduction. De... Puissant et corsé. Bon, il faut qu'ils arrêtent. Est-ce qu'il y a encore j'aimerais ouais, le mieux est l'ennemi du bien, là. C'était nickel et ils ont tout gâché, putain. Monsieur Bricolbit. Bon, non. Non, non, non. Ça, c'est toi. Il y a une référence à un truc. Au lieu de Monsieur Bricolage. Vraiment, je serais heureux pendant une semaine, ce qui est énorme pour moi. Si c'était vrai, mais je pense que c'est faux. S'il existe, je l'achète. Non. Je le mets pas, non. Pas. Ah, je le mets à tous mes lives s'il n'existe pas. Mais peut-être on va lancer du merch avec Adrien et Monsieur Bricolbit. Il pourrait arriver très vite. Ça va finir comme ça. Ça va finir comme ça. Ça marche pas du tout. Enfin, c'est qu'il y a même. Il y a aucun jeu de mots, il y a rien. Bricolage, ça va, mais. J'avais écrit Monsieur Bricolas. Je trouvais ça pas très drôle, donc je me suis dit, oh, Bricolbit. Ça va pas. Non, mais. Et c'est drôle. Bin Denis, enfin, on peut faire plein de trucs. Facefuck. Avec le logo de Facebook. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Bon, je t'ai vu au chez. Il y a pas un doigt d'honneur. C'est pas un doigt d'honneur à la place du like ou de non, ça, non. En revanche, il y a. Moi, celui-là que j'avais. Il y a le même ouais, ouais. Megusta. Je sais pas pourquoi. Ah oui, d'accord. Très bien. Bah, Facebook, c'est oui, si c'est un truc. C'est sexuel quoi, donc Megusta. Ah oui, voilà. Oui, non, mais y a... Ah oui, bien joué. Bien joué. Ah ouais, il faut connecter les mêmes entre eux. Hein, un t-shirt passé à côté de moi, c'est frôler la perfection. Ah bien sûr. Oui, bien sûr que c'est bien, oui. Sûr. Oui. Bien sûr. Vous l'avez acheté. Ça, je vois que vous non, l'avez mais acheté. Celui-là, je l'ai vu dans ma recherche, dans ma documentation. Ah je l'ai passé, un dessin de crotte en arc-en-ciel avec une corne avec écrit oui. Licrotte. Oui, oui, oui. Ah, je crois oui. Que c'était Je suis une licorne, je suis des paillettes. Que... Oui, qui est très connu. Ah aussi. Oui, c'est vrai, mais oui, ça existe. Ouais, j'aurais peut-être adapté ça, cela dit. De quoi comment j'aurais ça peut-être adapté le fameux truc de. Non, ça existe. Et on est encore sur Undies. Qui est vraiment. Et vraiment ah, si je peux me permettre, je pense que les personnes qui possèdent ce t-shirt devraient être les dernières à se faire vacciner. Voilà, puis il faut des critères. Au bout d'un moment, il va y avoir des critères un petit peu arbitraires. Eux, c'est en dernier. C'est pour moi. Ouais, désolé. Et un dernier, un dessin de piment avec écrit Despelette Housewife. J'adore. Et c'est, il existe en plus. Oui. Il existe. Oui, oui. Parce que toutes ces putains de boîtes, elles sont dans le sud. Il y a un peu sud-ouest. De, un peu de haine, j'ai l'impression. Non, non, ouais, sud-ouest. Ouais. Une sacrée connaissance du marché du t-shirt. Mais bien sûr, je te dis, t-shirt corner, c'est Bordeaux. Toutes ces Écoutez, ça existe mais avec oui. La description t-shirt rigolo et sexy à la fois pour, un, pour un fashionista avec du piment. Petit smiley. Fashionista déjà, c'est Sud-Ouest. Non mais j'adore le Sud-Ouest. Hein. Oui, rien, parce que je sais qu'ils nous écoutent. Oh. Non, non. Alors j'ai assez exprimé mon amour pour le Sud-Ouest, mais il se trouve que beaucoup de ces boîtes-là sont genre Bordeaux, par là quoi. C'est des t-shirts un peu que t'achètes sur la plage. Oui, ça se vend à la plage. Ouais. Et voilà. Bourré généralement. Pas à jeun, pas bourré. Bon t'es dit t'en as combien T'en as combien putain. J'ai juste filé mon compte Vinted à Flo. Et d'ailleurs n'hésitez pas à trouver tous ces t-shirts. Voilà. Voilà, contactez-moi, j'en ai plein d'autres, t'as pas eu le temps de tout mettre, c'est dommage. Mais... Et ce B pour qu'il puisse se payer des t-shirts. C'est changé. Là, je descends sur Barça la semaine prochaine, y a pas mal de marques là qui ont été parodiées. Non, mais pour un anniversaire, ça peut, voilà, ça peut être une bonne idée. Ouais. En parlant d'anniversaire, Antoine, t'as vu cette transition, est-ce qu'elle t'a plu? Eh ben alors. Tu voulais raconter une anecdote sur mon anniversaire où tu as été invité, où apparemment tu n'as pas bien vécu mon anniversaire. Ah, et je voulais... tu sais ou pas? Non, je sais pas. Vous savez pas? Tu m'en as parlé à moi? Alors voilà, j'aimerais que tu. Ah oui, je t'avais raconté, ouais, hein. Je crois. Ah, non, parce alors... que Flo m'a dit qu'il y avait une anecdote, mais il m'a. Tu non, m'as j'ai pas dit laquelle. Justement dit pour laquelle. En avoir bah, la simplement, non, mais je te laisse raconter, je prends ton temps. Bah, les gens m'ont battu dans la cage d'escalier, donc. Ah oui. Ouais, c'est pas un bon souvenir. Non, non, en gros Florent m'invite. On peut dire ton vrai prénom. C'est Florent. M'invite à son anniversaire, c'est quelle très adresse, gentil. Quelle adresse? Non, non. Quel étage? Et je connaissais pas grand monde sur l'aile des invités. Moi, je viens pas du showbiz à la base, je suis dev. Et à chaque fois, je t'imagine être Dave le chanteur. C'est vraiment horrible. J'arrive avec la perruque. Ah, vous comprenez pourquoi on m'a tabassé? C'est encore juste, c'est encore juste. C'est vrai. Mais il a l'oreille absolue, mec. J'irais bien refaire un tour du côté de chez soi. Donc, Cabra crie, il y a Dave, ça s'arrête à un moment. Et, j'ai tout un spectre, j'ai une palette. C'est ça, c'est des deepfakes vocaux. Ah, je vous ferai peut-être un Sarko tout à l'heure. Et... Oh là là. Mais là, j'ai le masque. Ah, mais tu le fais pas mal, Sarko. Et donc, pour être cool, j'arrive en retard. Mais en fait, un anniversaire de geek, c'est une mauvaise idée, puisque en fait, t'es le seul con arrivé. De geek. Hein. Je suis un peu. Ah, il y a un peu des geeks. Voilà. Il y a du showbiz, il y a des geeks dans cette histoire. Bah non, mais c'est le showbiz geek un peu. C'est l'anniversaire de Flaubert. Hein. Ouais, c'est vrai. Et donc. Ah bah c'est mon téléphone. Bouchy ah. tous les La BO de Scarface. Tu vois ton t-shirt, t'as des t-shirts dessus ou pas? T'as un t-shirt Scarface avec des fesses à la place de face ou pas? Et Scar du Roi Lion. Ça on le fait. Ça fait le par exemple. Ça un petit peu d'art pas mal ça. Scarface. Et j'ai envie de le faire du coup en live. Je vais couper le son parce qu'il va rappeler donc. Et donc j'arrive à l'anniversaire. Et je pense être extrêmement stylé en me disant j'ai ramené un cadeau. Bon, alors, cela dit, un anniversaire, j'aurais pu deviner que d'autres gens l'auraient fait. Et comme tel un enfant gâté, Flaubert prend mon cadeau, je vais le mettre avec les autres cadeaux. Je fais ah ok, donc il y a une salle dédiée. Donc, bah, dans mon appartement, il y a un temple à cadeaux. Toute l'année, il y a un hôtel et à chaque podcast, il faut que les gens déposent des offrandes. Ça me coûte énormément d'argent. Donc là, je passe une soirée un peu, je regarde un peu mon téléphone, je parle à un ou deux visages connus, et à un moment arrive le moment des cadeaux, le dit cadeau quoi. Et donc à ce moment-là, Florent arrive et dit ah c'est mon dit cadeau, installez-vous, mettez-vous en cercle, très mal. Admirez-moi. Admirez-moi. Alors cela dit, je me permets. C'est ma compagne Clara Le Sage qu'on c'est embrasse qui faisait ça. Et en fait, on l'a déjà raconté dans ce podcast, mais Antoine et Clara ont un petit bisbis dans le passé parce que pourquoi je ris, je sais parce pas. Le mot juif vomit dessus dans le bus, mais j'ai le mal des transports. Merde. C'est le mot bisbis, je pense. Oui. Non, mais en gros. Avec Antoine, on a fait les Floodcast Bataclan. C'est grâce à Antoine que ces enregistrements ont été possibles. C'est lui qui a tout produit, il s'est occupé de tout. Et donc, pour le premier, Clara est venue accompagnée de Monsieur Poulpe, parce qu'à l'époque, elle travaillait avec Monsieur Poulpe. Et Antoine fait rentrer Monsieur Poulpe. Et Antoine ne connaît pas ma meuf. Donc en fait, il voit ma meuf avec ses deux frères. Et il est genre, c'est qui quoi? D'où tu veux rentrer? Et donc, du coup, il y avait déjà un peu une ambiance où Clara me dit bah, il y a le gars du Bataclan qui veut pas me faire rentrer. Et j'étais un peu stressé. Il m'a un peu mal parlé. Je suis revenu, je fais mais rentrer ou je sais pas machin, mais bref, j'étais un peu. Il était très stressé, il s'occupait dans quasiment le stress, de tout. Ouais, j'ai été odieux. Voilà. Non, mais c'est vrai, faut le dire. Je le dis. Et donc, à l'anniversaire, donc Clara arrive et dit voilà, donc vous êtes pas sans savoir, je vous avais prévenu pour l'anniversaire de Florent, je lui ai acheté une platine. Et platine vinyle et bah sinon je sais pas ce que ah, une platine un de DJ de platine. Bah une platine non, DJ j'aurais pu être DJ et ouais. Donc j'avais demandé à chacun d'entre vous d'offrir un vinyle en souvenir d'une émotion vécue avec Florent. Wow, ok, c'est vraiment très puissant. C'est très précis. C'est pas juste un vinyle, c'est un truc voilà, en souvenir de un votre de votre amitié. C'est voilà. Et donc je suis là. Toi, t'avais acheté fais... un t-shirt. Okay. Dis, il est super rigolo. J'avais acheté une BD. J'avais acheté une très bonne BD. Très mais bonne ça BD. Restait une BD. C'est ça le problème. Et là, je me dis, ok, j'espère qu'il, je sais pas, il va ouvrir ses cadeaux et tout le monde va un peu vaquer à ses occupations dans la fête. Oh, et là, c'est solennel, on ouvre les cadeaux un par un. Celui-là, c'est qui? Ça, c'est moi, vas-y, ouvre. Et chaque truc, voilà, c'est ça. Et à chaque fois, la personne dit, bah, ça m'a fait penser à toi parce qu'à ce moment-là, on a vécu des choses tous les deux et tout. Et là, je fais, putain, on va arriver à mon cadeau. Je vais avoir, déjà, personne me connaît. Je vais avoir l'air méga con. Et bah, c'est, bah, j'avais bien deviné. Parce que avant même d'ouvrir mon cadeau, il y en a déjà 5 ou 6 qui ont fait la blague. Eh, c'est qui le qui a pas compris? Regardez, clairement, ça, c'est pas un disque, machin. Je fais, putain, ça tombe sur moi, je suis mort. Il y a certaines personnes qui ont carrément, tu sais, à un moment, je vois un sac et je fais, cool, ça, ça ressemble pas trop à des vinyles. Je suis pas tout seul. Et là, t'ouvres. 8 vinyles. C'était les trucs de Peura. Oui, et je me souviens, t'avais offert Sabotage des Beastie Boys. Ill Communication. Ah non, c'est ok. L'album. Ouais. Et j'avais trouvé que c'était. C'était super vinyle. C'était cool de te souvenir ce qu'avait offert Adrien. En fait, c'est pas le cas. C'était cool de dire. Non, mais c'était les Beastie Boys. Et donc voilà. Et donc arrive mon cadeau. Et énorme moment de solitude. Vraiment très très dur. Et j'avais une sorte de complice qui était un type très sympa assis à côté de moi, mais qui me parlait pas. Et donc moi je faisais un peu des blagues, mais que pour lui, parce que tu sais, je voulais me détendre un peu. Je faisais ouais en fait machin, mais genre tu sais quand t'es un peu loser au collège. Et lui vraiment m'a pas validé quoi. C'est-à-dire il m'a un peu pas ghosté vraiment, mais c'est genre j'entends tes trucs, mais vraiment pff, j'ai pas envie de t'aider. Ouais, me parle pas trop voilà. Et du coup c'était un et c'était Cyprien faut le dire quand même. Voilà, c'était Cyprien. Donc c'était un peu. Et pendant tout le truc on avait les mêmes, exactement la même paire de pompes, même couleur et tout, et même je me suis tête, dit, un peu. Je me suis dit, dis lui ça, ça va briser la glace. Et j'ai fait, non c'est bon, t'es déjà vraiment très loser là cette fête. Tu vas t'arrêter là et dès que ça tu t'en vas. On a adoré. On a les mêmes pompes, non? Ah bah, ouais. Hey, regarde, c'est les mêmes chaussures. Tu dis combien toi? 43 ouais, enfin, 44 moi. Marrant, une près, une taille près. Voilà. T'as offert un vinyle toi, une BD ouais. Ah c'était pas, c'est bon pas c'est... Mais voilà, et à ce moment là j'avais très envie de partir. Et finalement je me suis bien amusé à cette fête, puisque ça a l'air après ce moment un peu chiant, je suis resté tard en plus. Après on a discuté et je m'étais fait des copains. Et voilà, très bonne soirée. C'était super. Entre deux vagues. Voilà, mais voilà, mais hein, je t'avoue que le moment enfin, les 45 minutes d'ouverture de vinyle en attendant mon tour, où je sais que je vais me faire humilier, j'avais pas vécu ça depuis le collège. C'était quoi cette BD? C'était quoi cette BD? Tu t'en souviens pas? Je me souviens plus du titre. Mais c'est une parodie en gros de la. In God We Trust de Winchlus. Ah. C'est très très drôle. Et c'est très très drôle. Non, c'est vachement beau et c'est très très drôle. Sinon, fallait faire comme moi, tu viens sans cadeau. J'étais venu sans cadeau. T'avais fait ça? Je sais plus pourquoi. Ah non, parce que je déménageais. T'avais pas eu le temps. T'es une énorme rapia, tout voilà. Simplement. Et du coup, j'ai moi, offert je plus de risque, rapia, c'est qu'on est défoncé. C'était le mot. T'en ai offert un 6 mois plus tard et t'étais hyper content. Tu t'y attendais pas. T'avais ton prix vinyle de Destiny's Child. Et j'étais très heureux. Et voilà. J'étais très très heureux. Moi, je ferai plus de cadeaux. Hein. Mais c'est trop risqué. C'est marrant parce que. Moi-même, ça m'a angoissé ce truc-là, parce que même si c'était une super idée de ma meuf de dire ah bah bien cool, sûr, je te prends une platine et tout le monde t'offre un vinyle, ouais. Mais effectivement, c'est devenu très une procédure. Enfin, tout le monde s'est mis en cercle autour de moi. Moi, en termes de pression, c'est horrible parce que tu dois avoir l'émotion de oh génial. C'est pour ça que j'aime bien Noël où tout le monde ouvre ses cadeaux en même temps. Exactement. Si t'es déçu, il fallait faire des cadeaux à tout le monde, voilà. Il fallait pas brûler des agneaux au milieu de la pièce, c'était bizarre. Commencer à trancher des nains. Pour préciser, il y avait quand même un truc très procédural, mais surtout il y avait une sorte d'arène. Et il y avait un peu un black battle, tu sais, à chaque vinyle, tout le monde avait un peu la bonne vanne, le truc et bon tout. Bon bah c'est de la merde, c'est ça, tu vas dire c'est de la merde, c'est pas ça, mais c'est que quand t'es pas dans la bande des cools et que tu sais que ça va te tomber dessus, j'ai fait dans mon froc et voilà, et Cyprien il m'a pas baqué. Alors qu'on avait les mêmes pompes, putain, le mec. Les mêmes chaussures, il avait vu qu'on avait les mêmes chaussures, il a pas réagi. Et écoute, j'ai été peut-être pas puni, mais j'ai vécu une. C'est pour ça que ça me faisait rire que tu le racontes dans ce podcast. Que moi-même, j'ai vécu un truc aussi gênant, je pense, à l'anniversaire de Jonathan Cohen pour ses 40 ans, anniversaire surprise. Et j'arrive et. Il va être content qu'on balance son anniversaire. Bah non, bon, il le cache pas. Et donc j'arrive, et donc là, pour le coup, il y a vraiment. Parce que là, tu fais genre, moi j'ai le showbiz, mais. n'importe quoi, que des no-names à cette soirée. Ah, il m'a montré, hein. Je précise pour les gens, et c'est une vérité, il a dit que des no-names et il m'a montré de la main. Vraiment, alors, un million. Putain. Alors qu'il y avait Teddy à côté. mais moi, j'ai pas eu de problème de cadeau, je t'ai pas invité. Donc, t'es rien invité. Voilà, je suis encore à la strate d'en dessous, moi. Tout le monde en a pour son grade. T'as entendu ma bio de tout à l'heure, je vais être invité à ce genre d'événement. Toi derrière. Non, mais le Floodcast, ça devait me relancer. Flaubert, c'était un copain. Attends, mec, il a les mitaines sous le pont. Ah non, là, ça devait repartir. Mais là, il sait. Mais bon. Mais moi, je me regarde dans la glace, j'ai pas baissé mon froc. Ce et qui nous amène donc ton anecdote. Bah, voilà, à mon histoire. Où en gros, c'était plus ou moins la même chose, sauf qu'au lieu d'offrir des cadeaux, les gens devaient raconter une histoire. Oh non. À savoir, chacun disait. Alors, il est mort en fait, c'était son enterrement. Mais non, mais c'est vraiment un anniversaire d'acteur quoi. Non, mais c'est horrible. Tu dois faire 5 minutes de stand. Oh non, c'est horrible. Bah non, mais alors pour extrêmement humiliant. T'as dû raconter quelque chose. Non, je n'ai pas eu à le faire car ça s'est vautré tout seul. C'est-à-dire qu'il y en a eu 3 effectivement très à l'aise dans l'exercice qui ont été super. Où vraiment les gens ont fait oh non. Vraiment, on arrête, c'est un peu long. Mais surtout à la Cohen, quel mec qui raconte bien les histoires. Non, mais c'est horrible, c'est le mec le plus drôle du monde. Et il y a un truc où on va passer en ligne, passer et c'est pas pour faire des. Mais il y avait des gens vraiment dont le métier c'est ça. Il y avait des humoristes, il y avait des trucs. Et toi t'es au milieu et tu fais bah ça va être horrible. J'ai eu une montée de stress. Ah, mais quelle horreur. J'ai fait semblant d'aller aux chiottes. Ah oui, j'aurais fait ça moi. J'ai fait semblant d'aller aux chiottes. C'est censé être un peu mon métier pourtant. Mais vraiment, moi je. Non, horrible. Et heureusement, ouais, ça s'est vautré donc ça m'a un peu sauvé. Moi, putain, mais la prise d'otage, sans déconner. Tu sais, vous c'est votre métier, toi t'es là, tu fais si, tout le monde doit le faire. C'est marrant, on déconne. On va pas mettre de notes. Personne rigole. Putain, l'enfer. Alors je recommençais. Cyprien, on a les mêmes chaussures. Voilà. Donc t'es dans ma team. Voilà. Yeah. Moi je me souviens. Alors c'est tout l'inverse. Je me souviens de l'anniversaire de McFly puisqu'on est dans l'anniversaire de Star. Ouais, il y a eu un moment de communion fou. Quand il a montré ses couilles. Quand il a montré ses couilles. Ah non, c'est vrai. autour de lui à chanter les grosses couilles de David. Sur et l'air. Sur l'air de Steven Nation Army. C'est fait tout seul et c'était. J'étais ému. Oui, c'est ça. Les grosses couilles de David. Et ça a duré, mais non, non. Mais ça, formidable. Parce qu'il y a eu ça et il y a eu ça. C'est que Macron l'a chanté dans le truc. Et Macron, c'était son gage. Ils ont trouvé l'anecdote et il sort une vidéo où il chante les grosses couilles de David. Bah, j'ai adoré. Et c'est parce qu'il y a eu Seven Nation Army, mais il y a eu 5 ou 6 chansons. C'est qu'après, il y avait une nouvelle chanson. Et donc, jamais. On changeait de rythme sur les grosses couilles de David. Voilà, les paroles étaient toujours les grosses couilles de David. Il était au centre. Et il dansait. Et il prenait cet amour. Et il faut quand même préciser qu'il a d'énormes couilles. Voilà, ça, ça n'a aucun sens sinon. Non, et il faut préciser que des ça micros, pas les micros prévu. Trans bleu. En termes de taille. Voilà, bleu quand il se met un anneau. Voilà. D'où la couleur France bleu. Ah non, merde, j'allais faire référence à un truc. Oh, je vais le dire. Non. Si tu as coupé, on est obligé de le dire. Toi, Teddy, est-ce que tu as déjà été invité à une soirée où vraiment. Non, pas par moi! J'ai pas souvenir! Et là, c'est con parce qu'on enregistre la brème, donc ça compte même pas! Moi, j'ai ramené des bières, on m'a filé de la flotte, bon voilà, c'est pas un truc entre potes, c'est un truc de boulot! Bah, voilà, donc y'a pas de problème! En soirée, non, pas rarement! Ah, j'ai fait 2-3 soirées avec toi, on avait quand même beaucoup rigolé! Oui, quand même. Évidemment! Je me souviens! L'alcool avait coulé à flot. Ouais, voilà, le problème c'est que je bois énormément. Donc, les soirées sont pas les mêmes pour moi que pour les autres. Ils voient des trucs que je fais dont je me rappelle jamais, donc c'est assez chaotique. En fait, c'est pas un faux podcast, tu sais, tout ça c'est pour faire intervention. C'est ça. Il y a une banderole qui va tomber du plafond, c'est ton intervention. Vous êtes fait chier, putain, c'est cool, ça fait plaisir. Mais je me suis chié dessus en boîte, des trucs comme ça. Des choses, voilà. C'est vrai ou pas ça, oui, c'est vrai. Ça. Et tu peux nous en dire plus. Et au pire, on comprend. Ah non, moi, c'est une histoire que j'ai racontée quelques fois. On avait à 18 ans avec. T'as quitté ta campagne déjà. J'ai quitté ma campagne. Et on allait à l'Acropole, une discothèque où est née notamment la Tectonique, à Chili Mazarin. Avec deux amis, et donc on était pauvres, donc on n'allait pas boire en boîte, on buvait sur le parking pour aller en boîte. C'est le genre de boîte où tu peux te chier dessus. Exactement. C'est une chanson d'Orelsan, en fait. Oui, exactement, c'est clairement, c'est vraiment ça. Et donc on avait acheté un cubi de rosé à Lidl. Bah, je crois que c'est le meilleur. Il y a pas mal de mauvaises idées là. Il y a pas mal de trucs qui s'emboîtent. Ah, mauvaise idée, 4 euros les 5 litres, une mauvaise idée. Non, je pense pas. Malheureusement, c'est moins cher qu'un pack d'eau, mon pote. On a moins d'un euro le litre donc. Et donc on a commencé à boire des, on est arrivé sur le parking vers 22h, on a commencé à boire des rosés et on s'est dit on va se faire pimenter un peu le jeu. Dès qu'il y a un avion qui passe, on boit cul sec. Ah, j'ai cru qu'on pète. Ça a dû arriver, mais on n'est pas aussi timé sur les faits. Sauf qu'on était à 5 bornes d'Orly, quoi. Donc C'est-à-dire, non, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a le timing, il y a l'heure, enfin, il y a le lieu, pardon, enfin, tout est bien, quoi. Il y a l'idée de merde. Ouais, voilà, donc on a bu le cubi en une heure, je pense, sur le parking, dehors, comme ça. Et vers 23h, donc là, on est arrivé tôt, la boîte était à peine ouverte. Et j'ai dit, vas-y, les gars, faut qu'on aille dedans. Je commence à un peu d'aller aux chiottes, quoi. Il va en boire pour chier. Bah, non, mais ça, avec l'alcool et tout, ça tronche de bite, quoi. Je veux la faim. C'est fou, mais tout est fou. Et donc, j'ai un pote qui gerbait déjà un peu sur le parking. On dit, vas-y, on y va, on essaie de rentrer, quoi. J'aime bien comment tu le présentes comme un à côté. Là, bon, évidemment, mon pote gerbe. Bon, ça. Il gerbait déjà un peu. Il avait commencé à gerber, mais il se gardait pour la boîte. C'était la prémisse du le bouquet final. De la fontaine qui allait s'allumer. Le bouquet final. Il était 23h là, donc c'était le début de soirée. Quoi. Et donc on va devant la boîte. Le videur nous regarde. Il dit ouais, vous êtes trois. Il dit attendez deux secondes. Là, il y a un peu de stress parce qu'effectivement, ça se voit quand même déjà qu'on est bourré. On pue. Trois mecs qui puent de 18 ans, c'est ridicule. Il nous fait rentrer. On est super contents donc de mettre après la porte. Yeah, génial et tout. On rentre. Il y avait 15 personnes à l'intérieur. Un truc qui est très très grand. Donc 15 personnes, ça fait vide. On est content parce qu'on est rentré déjà. Donc on commence un petit peu à danser. Rapidement, je tombe. 10 minutes environ. Je vais pisser dessus. Je tombe, mais une chute festive, hein. Moi j'étais encore content. Dire pas genre je me suis fait mal, c'est hop, non, je suis tombé, c'est rigolo. Mais surtout, tu sens pas que tu t'es fait non, mal. Non, aucune sensation. Comme un gros bébé. Exactement, vraiment, comme un sac à patates. Et donc, mon pote, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mon pote avec un autre gars m'emmène aux chiottes. Et donc on rentre dans les chambres. Pourquoi faire ça? Bah, j'ai envie de gerber ou d'accord, je sais pas. Okay. Besoin de s'isoler un petit peu. Ouais, voilà. Ouais, tu gerbes sur la piste, t'es viré de la boîte. Oui, voilà. Oui, autant aller au shot, non, ouais. C'est quand même super gaffe. Ouais. Pas là-bas, mais. Non, là-bas, t'as une médaille, t'as une bouteille. Il y a des rigoles. Magnum. Il faut péter le Magnum. Le sol est un peu incliné, il y a des rigoles à gerbes et épices. T'as mal aux jambes parce que tout est en pente, mais c'est vraiment pratique. Et rigole à gerber. C'est pour ça que la tectonique, c'est sans bouger les. Tu es allé bien poser parce que. C'est pas vraiment bouger les jambes. Quoi. Pour évacuer la gerbe qu'il y a sur la chemise. Et donc, il m'emmène aux chiottes. Donc, c'est les chiottes, t'as les lavabos à l'entrée. En fait, t'as 4 chiottes ensuite, un peu avec des portes un peu fermées. Je sais pas comment moi donc. Et tout est un peu. Oui, parce que. Il gerbe un ça peu. Ça fermait mal. Les portes sont un peu fermées. Tu tombes un peu. Parce que justement, ça faisait un peu. Ça fermait mal. Et donc, je sais pas trop comment. Moi, je me réveille un moment. Mon pote était assis sur les chiottes. Moi, j'étais enroulé autour. Quoi ton pote comme un boa. En paillasson. Non, autour des chiottes. Enfin, lui, ah, était oui, assis debout. L'hygiène. Il dormait. L'hygiène. T'étais allongé oui, ou sur le sol des chiottes. Il faut le dire. Sur le sol des chiottes. C'était avant le Covid. Non. On se dégaffe. Là, ça vous choque. C'était avant le Covid. C'est le monde d'avant. Maintenant, tu t'enroules autour des chiottes à un mètre de distance de ton pote. Bien sûr. Quand même. C'était des chiottes exprès, tout était respecté. Et donc, j'étais voilà, la tête sur le sol. Et en fait, les chiottes, c'était le chiottes où le verrou ne marchait pas. Donc, des gens essayaient de rentrer régulièrement. Ils ont pris la porte dans la tête pendant environ 3 heures sans trop m'en rappeler. J'ai dit, t'es une campagne anti-alcool à quoi tout seul. Ouais. Franchement, là, c'est beau quoi. C'était il y a quelques années, hein, j'ai un peu baissé le pied. Levez. J'ai accéléré. Là, c'était pour me chauffer. Attends, 18 ans, je suis un gamin maintenant, j'y vais à fond là. C'était à l'époque, là, je passe la 5ème maintenant. Non, ouais, maintenant, je me prends plus la porte, je la casse d'emblée. Je la dégonde et je fais Christian, j'avais vu un mec se chier dessus, putain. Non, je chie sur le parking, je leur balance la merde, je rentre, j'ai plus de temps à perdre. Ça vous choque? Ça vous choque les bourgeois? Ah, ça c'est sûr que c'est pas pareil qu'on ferait ça. Ça vous fait peur, hein, la merde! Oh là là, ok. Bon. Continue. Bref. C'est bien parce qu'on connaît la chute, mais on a pas envie de la dire. C'est un épisode de Columbo. On sait la fin, mais c'est vraiment l'histoire et le. Quand même et l'assassin, c'est... il était dans l'avion. Il était dans mon fut, l'assassin. Et donc, moi aussi, j'attends la fin de cette histoire. Moi aussi, j'avais envie. Et donc, je me réveille vers 3h, mon pote qui est assis sur les chiottes. Je dis putain, bâtard, tu m'as gerbé dessus. Parce que je vois de la gerbe partout. Et il me dit non, c'est toi. Je dis ok, très bien. Je me rends rassuré. Oui, voilà. Non, peut-être que c'était vraiment lui qui t'avait vomi. Peut-être, mais c'est pas impossible que j'ai gerbé aussi. Vraiment. Un beau mélange. Et 2h après, vers 4h30 du match, donc j'ai dû aller aux chiottes à minuit. Je me suis levé vers 4h30. Je sors un peu frais parce que je me suis gerbé, ouais voilà. T'es bien reposé. Bien reposé, j'avais une chemisette blanche que je mets autour de ma taille parce que j'avais quand même été beaucoup par terre. Oh. En me disant voilà c'est. T'es allez c'est reparti, la soirée commence. Oui, je torse nu, mais ça se faisait beaucoup dans ces boîtes-là. Ouais, boîtes-là. Ouais, encore une fois, ouais, avant le Covid, ouais, à l'époque ça se faisait. À l'époque, attends. Et donc je sors des chiottes, je glisse, je tombe parce que c'était dégueulasse par terre. Une seconde fois. Donc là je retombe. C'est double chute. Je retombe. Je relève. Attends, juste, il s'est écoulé combien de temps? 4 heures. 4 heures. Il a dormi 4 heures dans, 4 la heures dans les chiottes. Oh putain. Mais t'es encore vivant, oui, mais en c'est même ça temps, qui est fou quoi. En t'es même encore temps, là pour nous le raconter. La boîte était vide, t'as bien fait de te claquer un petit somme pour revenir au comme ça commence un peu au à pic de la fête. Ouais, la tarive, il est quoi? Il est 3 bah, 2 heures 4 heures, ouais. 4 heures. Ouais. 4 heures du mat, je sors des chiottes. Il y a un mec ça pue la merde. Je dis, non, j'ai gerbé. J'ai voilà. Non, t'inquiète. Et, quand même assez confiant, je me lave un petit peu les mains, je me débarbouille. torse nu, hein. Torse nu. Je m'en rappelle. Je mets ma chemise autour de ma taille qui est vraiment pleine de gerbes. Ça, ça pourrait être vu pour un parfum homme, tu vois, là, comme tu me le non, dis. Non, alors, vraiment tu pas. Si tu avais vu les images, non. Tu regardes un gars, t'es torse nu et tu es en boîte de nuit. Tu fais un taxi driver, tu sais, voilà, genre. Exactement. To my wife. Moi, je vois Henri Cavill dans Mission Impossible. Une chemise dans les chiottes, là, c'est. Donc un peu confiant, encore un peu, je vois une fille qui est assise, je vais me mettre mais à côté d'elle. Mais non, c'est genre, c'est quoi c'est le niveau de confiance? Mais il a dormi 4 heures. Accoster une meuf alors que t'as une chemise, t'es torse nu, t'as une chemise pleine de gerbes autour de la taille. C'est pas possible, c'est la jeunesse. À 18 ans. Mais... 18 ans, c'est ça. C'est plus de l'inconscience. Juste de parler mais j'avoue, à quelqu'un. Il cela dit, il a fait un gros dodo, il est renforcé, tu vois. Et je suis encore ivre mort. Et puis tu peux rien. Tu pensais en tout cas qu'il pouvait rien t'arriver de pire. Non, j'étais au max. Mais peut-être que l'avenir va me contredire. Cette histoire est très longue, je suis désolé. Non, elle est sublime. Qu'elle n'arrête jamais. C'est du caviar. Oh là là. Et donc bon la fille se barre évidemment rapidement et avec mon pote on se dit bah on cherchait notre troisième acolyte qui était pas là, on se dit bon il a dû parce qu'il est passé la soirée tout seul finalement, on était trois à la base, on était deux dans les chiottes pendant 4 heures et l'autre a dû danser et partir. Et donc on dormait dans la voiture parce qu'évidemment on faisait attention, on savait qu'on avait trop bu pour repartir, donc on dormait sur la voiture d'un parking, c'est assez stylé. C'est pas, pour l'instant tout était très raisonnable, oui, voilà. Pas besoin de préciser. Oui, c'est une ça parmi d'autres choses mais vous reveniez en voiture. Oui, mais bien longtemps après. C'est ça qu'on dormait dans les toilettes de la boîte. C'est ça. Et donc je sors sur le parking. On voit mon pote qui dormait dans la voiture, effectivement. Et je sens comme une gêne au niveau de mon pantalon. Et tu la sens que maintenant? Ouais, parce que les sensations sont très faibles encore. Hein. Il y a encore beaucoup d'alcool dans le sang. Ah, putain. Je sens comme une gêne. Et donc, dans le doute, je baisse mon jean. Je retire mon jean et je vois qu'il y a effectivement un accident. Donc, ça veut dire. Attends, pardon. Et t'as passé combien de temps? Je t'interromps. Comme un bébé. Non, mais je crois qu'il y a monsieur Chiffre qui aimerait. Non, ça veut dire que t'es allé draguer une meuf. T'es allé t'asseoir à côté d'elle. Oui. T'as écrasé ta merde. Oh, potentiellement. On déborde. Tu es la merde. Et bah, la... ça a dû déborder. Ouais. Il faut envoyer cette histoire à Ondelat. Ondelat raconte. Ah ouais. Il y a trop de rebondissements. Et qu'il fasse la voix de la meuf qui se fait draguer par un gars qui s'est chié dessus. Quoi. Mais non, enfin, ça sent la merde. Oh, bah, je sais pas. Pourquoi tu racontais ça déjà? Oh, pour le plaisir. Je vais passer des bonnes soirées. Ah, mais voilà. Pour les soirées. Et donc là, je vois qu'il y a un truc. Donc, je suis sur le parking 3-4 heures. Je retire mon jean, je vois que c'est il y a du morceau quoi. Ouais. Donc je retire mon calbut, donc je suis à poil sur le parking. Et à poil et sur le parking, une chanson de Marc Lavoine. C'est pas fini. Non mais bah, en fait j'avais pas beaucoup de thunes. Donc je me dis je vais quand même garder mon jean. Bah oui. Enfin, sur la plage arrière, je vais pas le jeter comme ça. Je suis étudiant machin. Mais le caleçon est allé à la poubelle. Le caleçon. Ouais, s'il y en avait un, enfin, je sais pas. Après, je le retourne et pour jeter la merde par terre. Bien sûr. Ah. C'est pareil. Oui. Et comme un sac. Tu vois que c'était je le retourne et je le remets dans le sens. Ça ne marche pas quand tu t'es chié dessus, ça. C'est quand tu l'as porté juste. Non, et voilà, je jette mon étron au sol et un peu ivre en chaussettes, je marche dedans. Parce que non, mais c'est dit. Donc je retire mes chaussettes et je les dégage aussi. C'est comme ça que les enquêteurs l'ont retrouvé. Et donc, bon, au final, j'ai pioncé dans la voiture à poil avec juste une chemise autour de moi, mes fringues pleines de gerbes sur la plage arrière qu'on n'avait pas mis dans le coffre, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Maintenant, avec le recul. Le maintenant, je m'en fais le film. Pourquoi vous avez pas mis dans le coffre ? Je rêve de dormir dans cette voiture avec vous. Non, mais le mec, c'est... il est à poil, cul plein de merde, et il dit non, mais attends, je suis pas tout nu, j'ai enroulé avec ma chemise pleine de vomi. Je garde une certaine dignité. On n'est pas des monstres. Je garde ma dignité. C'était une Renault 25 Nevada, super sympa. Ah, oh, j'adore. Bah, bien et, sûr. Et voilà, et le lendemain. On a dormi à 3 dans une caisse. Ouais, ouais, ouais. Et le lendemain, en fait, t'as le ouais, truc. C'est parce qu'il me choque plus. Non, non, 3, 2, je veux bien, mais pas 3. Et non, ce qui était assez terrible, je fais vite, c'est que le lendemain, à 10h, mon pote avait une visite d'appartement étudiant ou crew, je sais pas quoi. Bien sûr. Bah, c'était pas très loin, donc c'était un peu l'occasion. C'était à Cachan, je crois. Il est venu avec ses potes. Bah, on a attendu dans la voiture quand même. Le mec qui vient visiter, il est à poil, il a juste une chemise autour du cul. Ils disent, non, mais attendez, il sent la merde et vomit. T'en penses quoi alors? T'es dit, bah moi j'aime bien. J'ai un peu peur du vis-à-vis, mais. Non, mais j'ai dû refiler sa chemise du coup, parce qu'il m'a prêté sa chemise, donc il a remis sa chemise pour aller au rendez-vous de visite. Oh là là. Après, les trucs à Cachan, ils étaient ghetto de toute façon, c'était vraiment dégueulasse. Et donc, pas à ce point-là, je pense. Pas tous. Ouais, je fais le truc et après il revient. Donc nous on attend la voiture, on est dans le mal. Et il revient à la voiture avec un de ses potes qui était venu faire une visite aussi. Il s'était dit bon, rendez-vous là à 10h. Sauf que lui il avait pas du tout fait la même soirée que nous. Donc il rentre et dans la voiture. Il arrive, il y a Teddy à poil, la bite pleine de merde. Salut, clairement. Assieds-toi. Hein. Mets ta ceinture par contre. Oh, on gaffe, est raisonnable. On fait quand même gaffe avec les bagnoles. Et donc il rentre dans la caisse. Et il pleuvait énormément, il rentre dedans, il dit non mais là, c'est pas l'odeur, enfin général était insupportable. Oh, et vraiment on a fait 500 mètres pour le ramener. Et il a dit non mais je vais descendre, je vais prendre un bus. Et donc il est vraiment descendu de la voiture. Et il a pris un bus alors qu'il flottait énormément et donc on est rentré. Et voilà. Ta question. Bon, ça mérite pas forcément d'applaudissement. Non. Ça mérite un applaudissement de le raconter. Oui, le courage de raconter. Par contre voilà. Après c'est. Mais surtout que j'ai l'impression que c'était pas le plus fou que t'aies fait, tu ne crois comme ça, je vais pas écouter. Non, celle-là je peux la raconter. Oui, ça peut vous dissuader de boire. Voilà. Non, mais ça peut être vraiment désagréable. Hein. Je pense que t'as pas passé une bonne soirée. Je pense qu'on peut en parler. Non, pas une bonne soirée, pas un bon lendemain. Enfin, tout était nul en fait. Même hein. Toute la semaine qui a suivi. Oui, voilà, vraiment. À part 10 minutes au début où j'étais avec mes potes, le premier verre, super sympa. Et après. Le premier verre, c'est du Lidl, dégueulasse. Oui, c'est vraiment le moment où t'as vu le prix du cubi et t'as vu putain, pas cher. Seul bon moment, je pense. Deux avions et après capsule dépressive, donc terminé. Exactement. Donc, buvez pas tant que ça, c'est vraiment pas utile. Ça fait des histoire à raconter, mais à vivre c'est vraiment. Et donc vous laissez fermer ça, le gouvernement? Vous nous empêchez ça? Les bons moments dont on se prive. On peut prendre le métro et on peut pas faire ça. C'est ça que vous nous dites. Donc, ouais, ne faites pas ça. Merci chez vous. Beaucoup, putain. Allez, c'est moi, à Dijon, t'en as fait des. Ah bah le privé, le chat noir. Bah ici on a parlé du vieux Léon. On en a du parlé ici, bien sûr. Ça, pour le coup, c'était un bar de chauffe. Mais ça, non, mais c'est marrant parce que tu sais, quand j'ai parlé du vieux Léon dans le podcast, j'ai reçu plein de messages de Dijonais en furie de putain, le vieux Léon. Il y a une vraie fierté d'entendre parler de ce bar. Quoi. C'est un bar horrible. C'est un truc. Moi, j'avais raconté. T'as dit quoi? Enfoiré de Beauvais. Qu'est-ce que tu as dit? Non, mais j'avais raconté moi que j'avais demandé un coca et qu'il m'avait dit un coca. Tu crois au McDo? Ah oui, c'était celui-là. Et après, j'avais dit bah du coup de l'eau. On a pas ça, non? Non, t'es une plante. Ah oui, t'es une plante. Ah, oui, t'es une plante. Et du coup, c'était bah, donc, que de l'alcool, vous avez? Ah ouais, on a un bar. Ok, bon, non, ouais, mais ouais. C'est, tu rentres déjà, s'il y a pas la rue qui est à nous, c'est que c'est fermé. Donc, c'est un enfer, cet endroit. Mais c'est vrai que. Mais toi, t'as quel âge déjà? T'es un petit peu plus vieux que moi, je crois. J'ai 34. C'est ça, c'est pour ça qu'on s'est pas croisés. Mais moi, j'ai fait des belles soirées à Dijon, bien nulles, de bar en bar où tu fais. C'est pas. Ah non, moi, en fait, mes parents, ils se barraient tous les week-ends. Il se barrait à la maison de campagne et du coup j'avais l'appart, oh, j'avais l'appart pour moi. Et donc nous on picolait à la maison avec les copains. Mm-hmm. Ouais. Et nous c'était genre Passoa, Manzanita, oui. Soho. Cristo, Malibu, non ? Malibu Coco, bien sûr. Et on s'envoyait un mix des quatre. Et avec jus d'orange, hein, très certainement. Pourquoi aujourd'hui j'ai des problèmes d'acidité de l'estomac ? Je me pose la question. Du Jaffaden, évidemment. Le pas bon de notre père. Et ensuite, on allait soit au Chat Noir, ça c'est quand on était plus âgé, et sinon on allait au Colors, qui était la boîte. Le Colors ! Super bizarre, on allait au Colors avec les soirées médecine et tout. Il y avait des fois de la musique un peu rock au Colors. Ouais, mais à ce moment-là, moi il faut bien savoir que je suis vierge et je vais le rester vraiment jusqu'à la fin de Dijon. Donc je ne vais pas me taper une meuf de Dijon. Jusqu'à la fin de l'existence de la ville de Dijon. C'est ça. Et. Tu as fait pipi, c'était merveilleux. C'était toilette, c'est cool. Ouais. Non, j'adore. Bah, ouais. Mais des fois, moi, je retourne à Dijon avec plaisir, mais pas. Je vais pas dans les bars. C'est pas l'endroit où. Non, il y a. Franchement, ouais, moi, j'ai pas trop l'endroit à Dijon. Moi, j'ai le derrière la Fnac où il y a les punks à chiens. C'est le seul endroit que moi j'adore. Je tenais une pièce, bien sûr. Attends, j'ai de peur de me retrouver un jour avec eux. Je fais. Eh, ça coûte pas cher. Et si jamais un jour, ça vient la merde. Si lâche la laisse, on sait que. J'ai des copains. J'ai des copains. Les amis, nous avons reçu des questions de la part d'auditeurs quand j'ai dit que vous étiez invités. Teddy, toi qui semble avoir beaucoup côtoyé Kemar à l'écran, je trouve que vos jeux d'acteurs sont excellents quand vous êtes ensemble. Je pense par exemple aux scènes dans La Vie Douce 45. Avez-vous envie de faire des fictions ensemble plus sérieuses que ce que vous avez pu faire dans La Biscotte? Déjà c'est gentil. La Vie Douce dont on a déjà parlé d'ailleurs récemment, parce qu'on a reçu Pastor entre autres qui avait joué dedans, et j'ai retourné avec eux justement, avec Célia et Bastien, hier. Donc sublime, il sortira début mai je crois. Ils sont très très gentils, La Vie Douce. Et c'est vraiment bien ce qu'ils font. Et t'es sûr que t'es super dedans? Non, t'es gentil. Bah non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bah baiser bah pourquoi pas. Après je t'avoue que la petite anecdote d'avant m'a un petit peu. Mais dans l'idée, J'étais jeune. Non, Kemar, on a envie de refaire des trucs. Mais je vous dérange pas. J'ai déjà une carrière de merde, j'ai un truc à dire. Un truc. Et en plus c'est pour dire qu'on va rien faire, donc c'est même pas la bonne. Vous avez raison de me couper. Non mais tu aurais envie de faire des trucs sérieux? Non. Non. Non non, pas du tout. On écrit des trucs de comédie, mais en sérieux non. Et même de la comédie, je dirais moins absurde. Non, c'est vrai, vous voulez vraiment vous marrer sur le... Vous voulez vraiment être con? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment connerie de foot là. C'est ça. Non non, l'objectif c'est vraiment, c'est ce qu'on fait là depuis quelques années, c'est de faire des dossiers de séries qu'on vend pas quoi. Donc voilà, pour l'instant ça en tient bon. Moi j'avais participé à Gilles et le tennis quand même. C'est vrai. J'avais beaucoup rigolé. Donc non, pas de projet en particulier, mais des envies qu'on fera probablement pas. Question un peu pour tout le monde, surtout pour les gens qui font du podcast, donc je pense peut-être plus pour Antoine ou Adrien. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez vu que votre podcast commençait à marcher, alors qu'au début c'était un peu un truc de niche? Antoine. Alors moi je peux dire, de toute façon je n'ai pas accès aux chiffres, donc je n'ai jamais su que quand ça commençait à marcher. Non mais pas beaucoup. Non, oui, la question c'est plus quand le podcast a commencé à être... Qu'on a commencé à t'en parler dans les réseaux sociaux. Non mais d'une manière générale, que ça devient un truc... Moi je suis très humble, donc je sais pas. Qu'on a interviewé dans Télérama, tout ça, Adrien? Hein? Non, pas du tout. Bah vu que ça nous a pas ni rapporté de la fame ni de la thune, rien. Enfin, non mais c'est vrai. Après t'es un peu galvanisé par le fait que tu te rends compte qu'il y a des gens qui écoutent, etc. Enfin t'es content de produire un truc dans ton coin et te rends compte que il y a des gens qui, bah, au-delà d'apprécier, reprennent le truc, viennent à des lives et tout. Donc c'est fascinant hein, le truc de communauté quand tu sais pas ce que c'est et tout. Mais après, ouais, ça va, ça reste du podcast, quoi. Enfin, voilà, bien sûr. Vraiment, ça m'est jamais arrivé, le chauffeur Uber. Putain, mais vous êtes Antoine de 2 heures de perdu. Bah, la course, elle est pour moi, frère. Non, jamais. Non, bah non. Vraiment, jamais. Et autre question pour toi, Antoine. Est-ce que c'est possible pour Marc? Alors, je sens qu'il y a une... Alors, est-ce que tu peux expliquer cette pravée de jeu? Moi, j'ai la ref. Mais alors, est-ce que tu peux nous raconter, pour les gens qui ne te suivent pas, sur Twitch? Et je vous invite à le faire, d'ailleurs, sur ton Twitch, où tu racontes souvent des histoires, en plus des autres... programme que tu racontes, mais c'est vrai que moi je suis friand d'anecdotes, donc c'est vrai que quand tu racontes ce genre d'histoire. En préambule de cette histoire, je vais vous raconter une anecdote du bac. Un jour, la question était bac philo, hein. Qu'est-ce que l'audace? C'était toi. Et l'audace, c'est ce que j'ai fait avec Marc. Alors, il y a un artiste sur YouTube qui est pas si méconnu, hein, qui est moins connu que ce que je pensais au moment où je le contacte. Plus connu, Oui, pardon, oui. Qui est plus connu que ce moment où je le contacte, qui s'appelle Marc Rébillet. qui a un talent hallucinant, vraiment, il est fascinant, il chante, il joue du piano, il se sample lui-même et tout. Vraiment, il a énormément de talent. Il fait du live, de la musique en live avec des boucles et tout. D'accord, ok. Très très fort. Et il a un sex appeal incroyable en plus, il est fascinant. Et moi je le vois, à ce moment-là j'ai produit un peu. C'est le Samuel Etienne de la musique. Vous pourriez être un tout petit peu plus team bienveillance s'il vous plaît. FC bienveillance. Il a fait un live avec Jean Castex. Et à ce moment-là, moi je me sens pousser des ailes, je viens de produire un floodcast au Bataclan quand même. T'as viré la copine de Flaubert de l'entrée. Je dis ouais, moi c'est bon, je suis producteur, je me regarde dans la glace, je remets mon pelle à tarte. C'est Antoine, t'es producteur, vas-y, faut que t'appelles des stars. Et je sais pas ce qui me prend. En plus, je découvre par les billets, tu vois. Et sur un coup comme ça, je vais sur son site, contact. Et là, j'envoie un mail. J'ai le mail. Alors, vas-y. Donc tu as retrouvé le mail. Donc je m'adresse à. Bon, déjà, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Le mail, c'est teamrebillet@unitedtalent. Donc, okay. Ça semble être une. Voilà, j'allais pas devenir le producteur de marque, visiblement, il en a déjà, j'aurais dû aller. Il y avait vraiment United Talents, qui est vraiment un nom d'agence. Voilà. Ouais. Alors, le sujet du mail, c'est Marc in Paris. Bah, le mec, c'est un Américain, je veux le faire rêver. T'as surfé sur la série Netflix. Hello Marc, virgule. I am a show producer. Wow. Je produis un floodcast. Et c'est floodcast en fait. And I am currently working with the Bataclan, en majuscule, in Paris, France, majuscule. Ok. Au cas où il confond avec Paris, Texas, tu vois. C'est un mail qui est vieux de quoi? De un an, quoi? Un autre, enfin, deux ans. Ah, deux j'ai ans. Trop honte. 20 décembre 2019, ça, okay. Ça a un an. C'est très récent. Un an et demi, quoi. Là, Bataclan in France. It is sadly known for the Daesh attack. toujours mentionner Daesh dans un mail pro. Toujours. Sadly known. Deux phrases Daesh. Allez. Je sais même pas ce que tu fais dans la vie. Daesh. Genre, je veux faire rêver le mec. Attends. Daesh, ok. Parce que c'est mon pote. Attends, vous avez pas. Surtout qu'ils disent pas Daesh en anglais. Ils disent ISIS. C'est vrai. It is sadly known for the Daesh attack. But it is, en plus il manque des mots, it's still a great concert hall with an amazing energy. Tocard. Non mais tocard. Trop du cul. Non mais merde. Putain, mais tocard, un milliard. Sans déconner, j'ai même pas le chiffre. Putain, mais non mais vraiment, je l'ai relu, j'ai fait c'est pas possible. Et c'était l'après-midi, j'étais au boulot, j'avais tiens, j'ai une demi-heure avant la pause. Tiens, je vais écrire à Marc Tavier. Attends, c'est pas fini, en c'est C plus fini. Plus. C'est pas fini. Je t'ai dit à l'époque. I am very impressed by your work. Je parle en tant que producteur, j'aime beaucoup ton travail. Ça peut être bien de le dire avant Daesh, ça. Dans l'ordre des trucs. Voire potentiellement pas mentionner Daesh. Voilà, nouveau. Bon. Bref, je voulais savoir si tu voulais faire un show à Paris, ce serait un plaisir d'organiser ça, Antoine. Sobre, efficace, je dois me relire, je fais ouais, c'est pas mal. Daesh, ouais, je le laisse. Ouais. Attends, merde, j'ai dit Daesh ou pas? Oui, c'est bon. C'est bon. Après avoir envoyé le mail, c'est putain, j'ai dit Daesh ou pas? Au cas où ils confondent avec un autre. Voilà, j'ai peur. Je voulais pas qu'il le découvre par la suite. Tu vois, je préfère qu'il ait toutes Après, les cartes en main. Ils en ont parlé un peu, je crois. En dehors des frontières parisiennes. Ouais, oui, je crois bien sûr. Que les gens étaient un peu con. T'aurais dû le mettre dans l'objet du mail, Daesh. T'es sûr que le gars allait répondre. Daesh attaque. Sadly known, au moins tu montres que t'es pas d'accord avec oui, ça. Ouais, ouais, tu dis, je me. Non. Désolidarise de voilà. Daesh. Totalement Daesh. Et là, il y a un Français qui m'écrit, qui me répond à ce mail, donc c'est même pas le mail. Donc là, déjà, j'ai trop honte de savoir qu'un Français a lu ce mail. Bonjour Antoine, impossible pour Marc, merci. Et impossible pour Marc, bon, en termes de mail professionnel, c'est vraiment. Au moins, c'est clair. Ouais. Il n'y a pas de Daesh, de détour de machin, c'est ouais. Non. Il n'y a pas une porte entrouverte. Tout n'est pas un peu comme dans l'histoire de Teddy. J'ai pas un peu envie. Non, non. Non. C'est vraiment. Impossible pour Marc. Impossible pour Marc. Et on n'a pas parlé de date. Rien. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai relu ce que j'avais écrit et j'ai fait, mais quel trou du cul, putain, mais. Quelle honte d'avoir écrit ça. Et à minima, c'est peu engageant. C'est pas le. Ouais, c'était nul. Mais bon, de toute façon, il avait déjà un producer ici, il s'en fout. Mais je pense que c'est pour ça qu'il a répondu ça. Bientôt car. Mais voilà, donc j'étais dans cette position. Gentil, c'est vrai que c'est sympa d'essayer de. Alors que tu l'as pas trop fait pour Teddy. Qui s'est quand même chié dessus. Teddy, c'était dur de sauver le truc. Ouais, il y avait pas grand chose. Moi-même, je savais. Peut-être que tu t'es bien chié dessus. Non, il y a pas de. Oui, ça va. Mais non, mais voilà, et je pense que voilà, bon, j'ai été ce mec qui contacte une star et le mec il fait mais ah ouais, il est débile. Non mais pour l'instant ça marche pour lui, mais si dans 5 ans ça marche plus, il te rappellera peut-être. Il sera bien content d'aller faire des trucs. À l'époque j'étais en contact avec Marc Rebillet. Attends, you know what? Ok pour Daesh Attack, je passe. Non je mais viens. Daesh Attack, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête, putain. Non mais en vrai, drôle, c'est le ça de Linus. Ouais. Vraiment, je la bonne formule. Quoi. C'est vrai. C'est genre mais là. T'as bien smiley qui pleure derrière ou pas? Non mais j'ai fait une faute parce que j'ai pas mis known, j'ai mis no. Donc c'est en plus. Mais cela dit, je comprends la, même si c'est raté, mais là, je comprends la mécanique de penser de dire, mais vaut mieux que je lui dise. Qu'il le découvre en disant ah ouais c'est quoi ça, oh là non du coup non puis je m'étais dit un peu je sais pas un peu de développement personnel genre ouais faut de l'audace les start-upers ils font ça et tout bah en fait les start-upers non, c'est trop du cul c'est vrai que, tu, ça marche c'est vrai pas, que ouais. Tu peux évoquer Daesh mais peut-être dans au bout du deuxième troisième mail ouais. Tu vois genre ouais. C'est vrai c'était soyez, très tôt soyez dire, au courant bon voilà. Maintenant que t'as l'air un peu chaud je suis quand même obligé de te dire que ouais, c'est non mais voilà ouais. Et que les gens sachent c'est plus tocard que sans race. Oui, enfin, ouais. C'était, oui. J'ai vraiment été bête plutôt ouais. Que opportuniste. Ah bah je pense que bah, ouais, ça c'est clair. Ça c'est bien senti. C'est évident hein, pour les sachant gens. Sachant que j'étais opportuniste, je vous l'aurais pas dit. Plus opportuniste, je suis pas débile. Mais opportuniste c'est avec des opportunités, là il y en a pas. Là vraiment c'est vraiment. Après il dit quoi impossible. Oui, voilà, c'est l'inverse d'opportuniste en fait. Une question un petit peu pour vous trois, j'ai demandé d'abord à Teddy mais Adrien et Antoine vont pouvoir aussi nous en parler. Quel plaisir trouvez-vous sur Twitch? C'est une plateforme que vous avez tous les trois adoptée récemment. Toi t'as déjà un peu répondu. Teddy, toi ça y est, t'as vraiment passé la zone là-dessus. Tu en fais presque tous les jours. Là, non, je fais enfoncer le pied. Là, ouais, oui, là oui, c'est vrai. Baisser le pied. Je sais plus comment on dit. Oui, j'en fais 3 fois par semaine. Écoute, bah, j'aime bien parce que je suis pas mal au chômage. et ça permet d'essayer de trouver des petits jeux, des petits concepts, de retravailler un petit peu le cerveau. J'aime bien parce que c'est l'occasion d'avoir des copains avec qui on se voit, alors qu'on se voit pas beaucoup en dehors, avec Adrien, Antoine et plein d'autres. Donc ça, c'est cool aussi, en fait, juste de faire un visio. Mais vu que ça intéresse des gens, bah, c'est comme un visio, mais avec des gens qui regardent. C'est trop bien. Et puis après, le côté interactif est cool. Les gens, franchement, les communautés sont vraiment, vraiment sympas, je trouve, sur Twitch, par rapport à d'autres trucs, ou sur YouTube, ou sur Twitter, où c'est pas toujours très, très feel good. Sur Twitch, moi, en tout cas, après, j'ai pas non plus 5000 personnes, donc c'est plus simple d'avoir 30 mecs sympas que 5000. Ouais. Mais vraiment, vraiment cool, et avec des bonnes blagues, tout ça. Donc le plaisir, il est de partager un petit moment. T'as l'impression de jouer à l'animateur un peu comme un enfant, et puis après voilà tu mais toi d'ailleurs c'est vraiment travaillé comme une émission puisque t'as des parties, des sous-parties, enfin tu te fais oui. Un petit conducteur quand même. Oui, il y a un petit truc après ouais. les parties, c'est lire trois trucs de Google Actu et faire une blague de billard, c'est pas c'est bah, un petit conducteur. C'est un peu un podcast. Tu viendrais ouais. Tu pouvais éviter de manquer de respect à cette émission. C'est vrai, je suis désolé parce que c'est vraiment plagié sur le podcast en plus. Donc ouais, non le plaisir c'est l'interaction cool et puis le faire l'animateur quoi. Très bien. Antoine? Bah tout comme t'es dit, non mais il y a ce truc effectivement, c'est sympa de pouvoir créer de manière autonome chez toi quand t'as pas spécifiquement de projet à faire et c'est assez cool. Après moi j'ai un peu peur à titre personnel, tu sais j'ai des moments où ça m'excite à fond et j'ai trop envie de le faire et tout, et après j'ai des passages où je fais ouais, j'ai la flemme, j'ai plus envie d'arrêter, donc ouais. Voilà, là je suis dans un down, mais sur après-demain et je serai peut-être up. Et non mais ce qui est compliqué c'est que moi j'aime bien faire des trucs avec des gens, tu sais, ouais. Donc des podcasts, des trucs, des émissions et tout. Et sur Twitch, c'est assez compliqué de faire des fit and fun si tu veux. Enfin il y a des gens qui se prêtent bien à l'exercice, mais il y en a où c'est en fait assez vite ah ouais, mais moi je voudrais bien streamer aussi sur ma chaîne et sur des trucs, et en fait t'es un peu vite dans un truc où bon bah chacun a son petit précaré et faire une sorte d'émission et tout ça devient compliqué à faire et mais tu disais que t'avais un projet d'émission sur les baskets avec Cyprien, un truc où tu comparé aux sneakers. J'attends qu'il me rappelle, mais normalement là impossible pour Cyprien, merde. C'est ça. Et bah pour l'anecdote, avec ces mêmes chaussures. Oh là là, il y a un biopic hein, qui va sortir sur ces chaussures. Bah je signe un long là. Avec Christian Bale qui joue les chaussures. Pour le floodcast, le deuxième floodcast au Bataclan. Non, c'est le premier, il y avait Baptiste Le Caplin. C'était au premier. Et ben il y a Baptiste qui arrive. Il regarde mes pompes, il me dit j'aime bien tes chaussures, je porte que ça. Et il avait les mêmes que moi dans d'autres couleurs. Et il me dit voilà, moi on m'offre des paires, je sais pas, moi je les paye. mais j'ai fait putain, je suis pote de chaussures avec Baptiste. Et donc quand j'ai vu que j'étais pote de chaussures avec Cyprien, je fais putain, j'ai la bonne marque, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça part pas? Tu peux la donner aux gens peut-être. Pourquoi apparemment ça aide à rencontrer le chemise. C'est Tiger Onizuka. Bah, je vous la montre. Bah, oh, il est avec nous, putain. Oh là là. Ah, mais c'est des. Attends, ah, bah, c'est quelle marque? C'est Tiger Onizuka. Magnifique. Non, ouais. C'est des Pumas ça. Ah putain, c'est pas les mêmes que Cyprien. Même ça, j'ai perdu. Tu te trompes de félin. Question pour Justine. Maintenant que tu as goûté à la réalisation et à l'écriture, est-ce que tu as envie d'en faire plus? Oui. Ce qu'on peut dire, oui. T'avais fait des sketchs au sein de Golden Moustache, ouais, à l'époque. J'avais commencé comme ça. Après, j'ai fait mon court métrage l'année dernière, qui sort dans un très bon timing puisque ça parle de Gérard Depardieu. Non, en fait, on a pris le parti de pas le diffuser sur Internet parce que d'abord, il est acheté en télé. Sauf que la télé met des plombs à le diffuser. Bon, bref, ouais. Et que avec ce qui s'est passé cette année, ouais, c'était difficile de mettre en festival. Donc, ça a été dur après de se lancer sur un deuxième. Mais il y en a un deuxième qui est en cours. Ouais. Oh là là, sublime. Oh là là. Bravo Justine. Et d'ailleurs, ma question, parce que sur le premier, tu ne joues pas dedans, mais non. Est-ce que le deuxième non plus? Non. Mais est-ce que c'est une envie? Est-ce que tu dis non, mais oui, quand je réalise, je veux pas jouer? Oui. C'est pas un truc qui t'excite, quoi? Bah, c'est que j'ai déjà fait. Et oui, j'avais fait avec Golden et tout. Et Jocelyn. En fait, j'y avais pris aucun plaisir parce que je trouvais que c'était stress multiplié par 100. Ouais. Et puis, t'es obligé de déléguer à ton chef op. Tu vas aller au combo à chaque fois, voir est-ce que je m'aime bien, est-ce que je m'aime pas, est-ce que ça va et tout. Donc, du coup, j'avais fait, on fait pas ça. Peut-être plus tard, il y en a qui sont très à l'aise là-dedans, qui arrivent très bien, mais j'ai pas encore assez le détachement pour faire les deux. D'accord. Et en même temps, tu joues beaucoup à côté, donc c'est pas genre tu quittes, oui, le jeu pour voilà. On va d'ailleurs, alors je sais pas, tu me diras si on coupe ou pas, mais on va bientôt te retrouver au théâtre d'ailleurs. Oui, quand ça va réouvrir. Oui, alors si le dieu du théâtre veut bien réouvrir ses salles. Ah, le dieu du théâtre, c'est Bachelot. Excusez-moi. Ouais. Excusez-moi. Normalement, je reprends en août une pièce de théâtre et on sera sur scène en septembre avec la Josiane Balasco. Oh, oui. Oh là là, quel bonheur. Alors, qui a les mêmes pompes qu'Antoine en plus. Exactement, c'est vraiment, c'est formidable. Tous les grands de ce monde. J'ai essayé dessus en boîte aussi une fois, je crois. Pas sûr. Et voilà, ça s'appelle un chalet à Stadt. Oh, magnifique. Mm. Et ça se passe en Suisse, donc comme le titre l'indique. Et c'est sur l'exil fiscal. Et moi, je fais la bonne de la maison. Oh, et magnifique. Allez, la petite soubrette. Donc ouais, trop au théâtre, quand ça rouvrira, tout simplement. Ouais, bah, septembre, faut piquer les gens, là. Hein, faut vacciner. Oui, vacciner, pas piquer. Oh, pareil. Ça va vite, piquez-moi mais, les vieux, ça dégage. Voilà. Adrien. Quoi? Une question pour moi? C'est un peu stressant, ce que tu montes questions. Sur scène, putain. Non mais c'est un petit peu ça, c'est non. Faites chier avec vos questions. Non, vas-y. Est-ce que tu as des envies de réalisation? Car c'est quelque chose que tu as fait à une époque et que tu ne fais plus trop. Est-ce que c'est un métier? Parce que un peu pour corréler avec Justine, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'exciter? Oui, mais c'est marrant, c'est à toi que j'en parlais, non, récemment? Oui, je crois que tu en as parlé. Non, mais c'est un truc qui me... J'ai de plus en plus envie de faire ça et écrire et réaliser. Et plus... Enfin, je sais pas, quand je me projette dans le futur sur un truc plus régulier, etc. Ça m'excite plus, justement. J'ai vraiment envie de réaliser des trucs. Je pense que ça me correspondrait bien. Plus que d'être juste. Enfin, juste. Tu vas y arriver. Plus que d'être comédien, où il y a un côté où tu poirotes pendant deux plombes avant de jouer, machin, etc. D'être un peu plus sollicité tout le temps, je pense que ça correspond plus à ma façon de fonctionner, quoi. Donc, mais toi, t'as un peu enchaîné aussi les trucs où tu jouais et tu écrivais, mais tu ne réalisais pas, ce qui peut parfois être un petit peu frustrant. Il y a ça aussi, mais. Et qu'importe le réalisateur d'ailleurs, enfin, c'est frustrant parce que tu te dis putain, voilà. Non, mais il y a aussi pas mal de trucs dans lesquels j'ai écrit et réalisé et ça m'a vraiment plu, quoi. Et ouais, j'ai plus envie de faire ça. Mais bon, après, il faut que je me bouge le cul pour faire quoi que ce soit déjà de base, parce que là, je fais rien. Mais ouais, effectivement, ouais, je pense que si je fais. Justement, j'ai des envies, des idées de séries un peu machin, et quand je me projette. Je me dis, est-ce que je jouerais dedans ou est-ce que je réaliserais juste, ou alors est-ce que j'essaierais de faire les deux mais c'est compliqué. Donc voilà, de toute façon, je n'ai même pas écrit une ligne. Donc la question se pose pas trop. Mais c'est bien de poser des questions dans ce sens-là. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je vais faire dans ce truc que j'ai pas écrit encore? Quel rôle je vais me donner? Faut se projeter, sinon t'as pas la carotte pour écrire un truc. Ça qui te booste. Évidemment. Teddy, Kemar a teasé un potentiel retour de la biscotte lors de son live pour Le Blanco. Serais-tu chaud pour remettre les crampons de Bakary Conté? Oui, il a teasé un truc, j'avais même pas. Si vous tournez demain. Merde. Non, je crois que c'est. Bah oui, ça pourrait être drôle. On avait arrêté parce qu'on avait un peu fait le tour à ce moment-là. Ouais. Et que Mar en plus tournait son long métrage et tout, donc ça nous a un petit peu arrêté. Mais pourquoi pas. Après, c'était produit par Bagel, donc je sais même pas si on a des droits. Ça n'existe plus pour info. Oui, voilà. Ouais. Donc, mais je sais pas si la chaîne La Biscotte, tu vois, nous, ça nous appartenait pas. C'était à une des chaînes de Bagel avec ouais. Studio Movie, Studio Gaming. Donc je sais même pas et je crois que Kemar avait justement une touche à un moment avec peut-être un sponsor et je crois que ça s'est absolument rien passé. Donc potentiellement vu qu'on n'est pas les meilleurs commerciaux de France, globalement c'est il se passe métier, rien. C'est un métier en soi, hein, c'est très difficile. C'est vrai. C'est très difficile. Mais c'est pas ton métier d'ailleurs. Ouais, bah, voilà. Ça l'a été mais je suis nul quand même. J'étais commercial, j'étais déjà nul à ce moment-là et j'ai rien perdu, je suis toujours aussi nul. Si vous avez besoin de dev, moi je suis là. Et très très fort en dev. Bah écoutez les amis, merci beaucoup. Ça fait 2 heures qu'on parle, c'est déjà très bien. On va se quitter. Je vais faire un dernier tour de table pour voir à peu près où est-ce qu'on peut vous retrouver. Antoine, le podcast. Bah le podcast 2 heures de perdu. Toujours. Et je le dis d'ailleurs à tous les auditeurs, je suis extrêmement admiratif de ce podcast que vous avez arrivé à garder non seulement une fraîcheur, alors que ça fait combien d'années maintenant que vous faites ça? Ouais, 6 ans maintenant. Non mais c'est vrai, 6 ouais. ans, nous ça fait presque 6 ans aussi, ouais, et une régularité, vous ratez jamais une semaine quoi. Hebdomadaire. Et c'est un coup, hein. Ouais. Mais non mais vraiment, nous c'est très difficile, on a beaucoup de mal avec ça. Non, on y arrive. C'est une cote ou pas Flaubert le podcast ou c'est hebdo? C'est quotidien ou c'est, hebdo aussi? C'est ouf, moi tu sais, c'est quand je peux. C'est quand je peux. T'es jour et nuit. Et non et voilà, et on écrit un peu de la fiction là avec des collègues. Mm. Projet Orlov qui est d'ailleurs disponible en replay sur France Culture. Est-ce que tu peux dire ce que c'est d'ailleurs Projet Orlov pour c'est les une auditeurs? Alors moi, est-ce qu'on peut dire le titre? J'ai pas compris. Projet Orlov. Ok, d'accord. C'est Projet Orlov sur c'est une fiction radio disponible sur France Culture. C'est une fiction d'espionnage, c'est très sérieux, il n'y a pas de caca, pas de trucs. Encore, il y a quand même un gars qui chie dessus quand même. Enfin, je regarderai pas, je suis désolé. Hein, c'est audio donc. Bah, en plus, raison de plus. Et voilà. Et, et ça parle de quoi? Et ça parle d'espionnage dans les années 80. Allez, écoutez, c'est haletant, c'est extrêmement haletant. C'est vachement bien, moi j'ai écouté, ouais, c'est vachement bien. Et il y a qui au cast déjà? Il y a Féodor Atkin qui est une voix française très connue. Magnifique. Qui fait Dr House et Jafar. D'accord. Il y a Lou Delage s'il vous plaît, oui. Égéry Givenchy je crois. Il y a Pierre de Ladonchamp, il y a vraiment un très beau casting, ça devient tout à leur radio. Ouais, et voilà, tu m'as pas posé la question mais je veux pas faire de stand-up non plus. mais cela dit, j'aimerais bien être co-auteur d'un ou d'une artiste qui fait de la scène. Ouais, voilà. Il veut pas monter non plus. Ah si, mais... si, moi j'ai juste la trouille. Mais j'ai pas besoin de... L'écriture ça va moi. Non moi j'ai envie de co-écrire avec quelqu'un qui monte sur scène. Mais j'ai pas envie de le faire. Bah je comprends. Voilà, donc je lance un appel. Pourtant vous avez fait ce que tu disais Floodcast. Tu veux pas aller au tableau. Vous avez fait 3-2 heures de perdu quand même au Bataclan vous. Ouais. Et à chaque fois c'était... Enfin tu vois vous étiez à l'aise. Ouais c'est... Hein. Bah c'est toutes les mêmes raisons que je me chie un peu dessus. Et je me dis que si j'aide quelqu'un... C'est vrai. Ça mènera nulle part tu verras. Mais aussi... Mais t'es dit, il a fait du stand-up. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est peut-être pour ça que je me suis chié dessus en décalé. J'ai vraiment tellement chié dessus. Après, j'ai dit, bon, il faut que je le fasse. J'en ai marre d'être plein de merde. Pardon. Faut peut-être. On arrête, non? Parce qu'il faut peut-être intervenir. Et non, voilà. Pardon, j'ai trop parlé. Non, non, vachement bien. Et Twitch? Et Twitch, ouais. Twitch, voilà. Simplement. Non, mais j'ai une chaîne, mais ça va, enfin, ça va où ça, je sais, c'est super. On sait pas où ça va, mais il y a pas un méga projet de vie dessus. Ouais. J'ai pas prévu d'en faire un revenu mensuel. Ouais, très bien, mais très très fun. Justine Le Potier. Oui. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, tu as dit au théâtre déjà normalement. Alors, en au septembre. Théâtre, septembre. Inch'Allah. Mais c'est pas demain. Mais c'est pas demain. C'est pas demain. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, si... Après, me parle pas comme ça. Tension d'un coup. Je fais le. Alors j'ai appris ça hier. Je vais faire le clip de Benabar. Bah tiens bon, donc. Bah non, mais sors des trucs d'un chapeau. T'avais fait le clip d'Anaïs aussi, je me souviens, voilà, il y a quelques années. On passe à Benabar. Tu fais des chanteurs à un nom. Tu réalises ou tu joues dedans? Tu fais quoi? Non, c'est David Fontao que tu connais bien. Bien sûr. Tiens donc. Notre ami David. Bien sûr. Je fais des trucs pas mal avec Combini aussi en ce moment. Sublime. Enfin, c'est sympathique, on les embrasse. De quoi? De la fiction? On fait des petits concepts avec des marques sponsorisées, on ne dira pas le nom. Voilà, du théâtre, et puis je vais essayer de mettre effectivement en route mes séries et mon court-métrage. Bien sûr. Et donc ton court-métrage, qu'on espère, va bientôt sortir peut-être sur internet. T'as joué dans un court-métrage qui est sorti là il n'y a pas longtemps, Loup-garou? qui est vachement bien. Exactement. Bien sûr. Tout à fait. Et je fais le court métrage de Juliette là aussi au mois d'avril. Je fais un petit truc pour Netflix. Juliette. Très animée. Très animée. T'es dit, elle a une actu de ouf. Après, c'est à toi de parler. Moi, de toute façon, je vais aller. Oh la pression. Moi, j'ai mon Twitch, les gars, dans une demi-heure là. Je vais pas pouvoir rester. J'arrête là. Non, vas-y. Et voilà, et toujours un replay. T'as dit un petit truc pour Netflix, bro. Voilà. Dis, t'as joué dans le cours de Juliette. Je vais jouer dans le cours de Juliette. Un petit truc pour Netflix, un truc qui s'appelle Drôle. Lupin, un truc qui s'appelle Lupin. Non, c'est une série ah oui, de Fanny de Agnès Sorsol. Non, de Fanny Herrero, la nana qui fait 10%. Et ça se passe sur le stand-up. Et ça se passe au Drôle. Et je pense qu'en fait, c'est l'équivalent du Paname. D'accord, ok. Ouais, c'est cool. Mais j'ai entendu parler. Fanny Rueway. Comment enfin, je crois qu'elle est auteur dessus, ouais. Il Fanny Rueway est auteur dessus, Fanny je crois. Fanny Herrero. Oui, Fanny Herrero, c'est la showrunneuse. Et bon, ouais. Bref. Mais, écoutez, mais je ne sais pas. On coupera voilà. Toute cette merde. Tout ça. Et les emmerdeurs, toujours dispo. Fanny Ardant n'a rien à voir. Les emmerdeurs, toujours non, dispo mais non, en YouTube dispo. Premium. Bah si, il faut payer toujours. Ils les ont enlevés, non? Non, non, ah non, ils ont refusé de les mettre en gratuit. Oui. Et ah ça, bon je comprends pas. J'ai envoyé un mail la dernière fois. Bon, on coupera ça. Ou peut-être pas. Non, non. Non, non, mais j'ai envoyé un mail à Golden. Parce que la dernière fois, je fais. Mais il y a Lazy Company sur Disney+. Donc, même Disney+, ils achètent des séries. Est-ce que cette putain de série, Les Emmerdeurs, peut pas être vendue ouais ailleurs? Enfin, voilà, donner ça à une plateforme qui le diffuserait, quoi. Je sais pas. Je comprends pas pourquoi c'est toujours bloqué. Alors non, que Groom. Il y a une malédiction. Alors que Groom est passé en gratuit, c'est très bizarre. Alors que Groom a une saison 2. Ouais. Ouais, alors ça va. J'y allais combien de temps? On est tous au même point final. Hein. Comme des cons, donc. Teddy, donc toi, ouais, tu as Twitch. Ouais, ouais, la vie va, douce, mais... là, tu continues. Ouais, la allez regarder la vie douce, franchement, c'est vachement bien. La vie douce, c'est très sympa. Oui, ouais, ça sort début mai le prochain. C'est sur la vie douce, la série, je crois, sur YouTube. Trop bien. Faudrait qu'on les invite d'ailleurs. Enfin, moi, je ils les connais sont pas. Très, mais très gentils. Vraiment, mais c'est. Moi, je les ai rencontrés via Kemar justement, parce qu'ils avaient tourné ensemble. Ils sont vraiment les deux d'une gentillesse débordante. Enfin, mais Célia, c'est ça Célia et Célia, moi, je l'ai dirigée il y a très longtemps. Je pense qu'elle a complètement oublié. Je pense pas. Mais je l'ai dirigée sur un Bat-Egel. Oui. Où c'était que des jeux de mots. Et donc, du coup, ça va faire parce que la vie douce, c'est quelque chose de très stylé. Enfin, tu vois, très sobre et machin. Et moi, je l'ai dirigé où sa seule réplique est je te présente ma chatte. Et où elle montre un chat. Alors, j'avais pas écrit le texte, hein, c'était du Bat-Egel. Oh, ouais, mais. Qui se dédouane. C'est vrai. Bah, moi, pas vous avez, réalisé, vous avez écouté l'émission. Moi, c'est quand même autre chose. C'est quand même un autre standing. Non, mais du coup, voilà, ça m'a fait rire parce que je l'ai dirigé à l'époque et là, elle fait des trucs qui sont mortels. Enfin, c'est vraiment bien, quoi. C'est vachement bien. Ils seront ravis, ils sont vraiment très gentils, donc je te conseille de les. Ouais. Enfin, non, faudrait que je les invite. Et ouais, Twitch, je fais trois fois par semaine. Donc le bar des Zincs. Le bar des Zincs, mardi, jeudi à 18h. Normalement, on doit en faire un demain. D'ailleurs, vous êtes toujours d'accord, les copains, ou pas? Pour le truc de demain, ou pas? Ah, c'est confirmé? Ah, c'est confirmé? Peut-être pas. Allez, c'est la fin de... Non, moi, c'est bon, je suis dispo, hein, s'il faut. Ouais, on en parlera après, ouais, mais vous faites pas chier. Hein, mais... les mecs ont vraiment pas l'air chaud. Si non, mais je vais me démerder de mon côté, moi. Si tu peux donc, pas, ouais, moi, ça cartonne là, le Twitch. Les gens sont contents de venir. Il y a une super ambiance, c'est que des vrais potes qui vont super bien. Donc, je vais continuer, je pense. Je continue à fond là-dedans. Non, mais, c'est cool. Et puis là, bien, on lance un nouveau. Bon, je pense que en tout cas, c'est marrant à faire. Et puis là, avec un pote. Ah, bah non, moi j'en ai maté, je trouve ça vraiment cool. Ah, bah t'es gentil comme ça. C'est vraiment cool. Et on lance un nouveau format le dimanche avec un pote, un truc qui s'appelle Flashback dans le présent, où on parle des anciens jeux et séries tout ça des années 90, on compare les trucs de maintenant, on fait les ringards, on fait les Michel Sardou quoi, on dit est-ce que c'était mieux avant ou pas. Et puis voilà, l'écriture inclusive, mon des pote jeux, des jeux des années 80, genre des jeux de télé, des émissions, tout ce de la pop comme Oxo de... Patamou, non comment ça s'appelait, Oxo Puccino, non je sais pas là. Non, c'est Oxo Patamou, avec Vincent Perrault, non ouais, avec le serpent, avec le ouais le serpent là, c'est incroyable, j'en ai rematé un, c'est horrible, la piste de Xapatan. D'accord. Oui, peut-être. Attends, je me souviens pas. Moi, je connais ça. Non, mais... c'est Oxo Patamou. Hugo Délire. Hugo Délire, voilà. On a parlé d'Hugo Délire notamment. Oxo Puccino. Putain, je me souviens plus. Je crois que c'est un truc comme Oxo Patamou ou un truc comme ça. Hein. Non, moi, j'ai rematé. Là, un... c'est Cosmo Puccino que vous dites là. Mais vraiment, ça ressemble beaucoup à ça. Hein. J'ai rematé un Extrême Limite. Oui, ouais. Oh, incroyable. C'est Mokshu Patamou, pardon. Mokshu Patamou. Mokshu Patamou. T'étais pas loin. Un jeu télévisé. Le jeu a remplacé L'Or à l'Appel. Fort de son succès estival, le principe, une légende indienne raconte que l'on récompenser les âmes vertueuses en leur faisant gravir des échelles alors que de nombreux et redoutables serpents attendaient les âmes pleines de vices. En gros, c'était un jeu de loi vivant, en fait, plus ou moins avec des coups. Ah oui, ok. Bah, je vous invite à le regarder dans mon Twitch, c'est vraiment une émission que j'adorais quand j'étais gosse. Voilà, je vous le dis. Adrien, Twitch toujours aussi. T'as un concept où tu dessines des Pokémon que tu connais pas. Non mais je trouve que c'est un bon concept. Oui oui, bah je l'ai pas. Là je suis un peu en perte de ah bah motive. Comme Antoine un peu. C'est bien. Ça. Une petite perte de motive sur beaucoup de choses, mais sur Twitch aussi du coup. Enfin j'ai fait quand même le week-end caritatif pour Stud Live. Ah, Stud Live. Alors quel est le nom de l'association d'ailleurs? Stud Force. Voilà. Vous pouvez toujours donner d'ailleurs. En fait c'est pas on donne pas à l'asso, on donne au Secours Populaire. Enfin, c'est bien le Secours Populaire. C'était le Secours Populaire. Stud Force gérait la logistique. Super. Et les dons allaient au Secours Populaire pour aider les étudiants en galère à cause du Covid et à cause de Macron. Tu vas faire des concours d'anecdotes ou quoi? Et donc j'ai fait ça, mais sinon. Sinon, les Pokémon, c'est qu'en fait, je ne connais pas du tout les Pokémon. J'ai jamais. Je suis passé complètement à côté. Et du coup, je dessine les Pokémon, mais juste en me basant sur leur nom et en faisant exprès de dessiner des trucs un peu merdiques, juste en les imaginant par rapport à leur nom. Oui, j'aime bien. C'est drôle. Et faudrait que je m'y remette. Ça, les Pictionnaderies aussi, enfin plein de choses. Mais là, en ce moment, pas trop. Et sinon, est-ce que. Non. Il n'y a rien en ce moment. On peut rien dire. J'ai tourné, mais ça va sortir dans longtemps, mais dans la série de Baptiste Lorbert, Hors de lui. Ah, bien sûr. Avec Ramzy. Je voyais vos stories, je riais. On a beaucoup ri sur le tournage, ça faisait plaisir. Et ça c'est en montage, donc je sais pas quand ça sort, mais pas tout de suite. Demain. Mais beaucoup de choses demain. D'autres trucs, mais qui sont pas faits encore. Oui, c'est ça. Voilà. On développe série, des choses. Notamment ma série, qui n'est pas faite puisqu'elle n'est pas commencée. Jouer dedans, tu sais pas encore. Ah, je sais pas. J'ai créé le dossier quand même dans mon truc de travail. Mais ça s'appelle ma série. C'est vide. Et toi, Flaubert? Eh ben écoute, quant à moi, La Flamme, toujours disponible en replay sur MyCanal. Oli et l'Alien, toujours disponible en librairie ou sur internet. Mais préférez les librairies, c'est toujours mieux de soutenir les libraires. Mais franchement, si vous voulez acheter Amazon, moi tant que vous achetez, en vrai, oui, ouais, on va pas se mentir. Adrien, je voulais que tu finisses. Ah oui. Mais je voulais dire La Bonne Auberge, toujours, bien sûr. J'ai Auberge, évidemment. Premier dimanche de chaque mois. Tonkar en plus, enfin, qui fait qui marche bien. Ouais, et il y a plein de gens. Et voilà. Tonkar, c'est un mot jeune. Ouais, on est à rabat tant qu'on a fini. Vous devez certainement gagner de la moulaga. Concours d'anecdotes, Macron. Donc voilà, mais j'ai oublié de préciser. Bien sûr. Il y a toujours La Bonne Auberge. Voilà. Concours d'Agnès Macron, d'ailleurs, je leur ai proposé, parce que je les ai vus pour autre chose, McFly Carito, j'aurais dit, un vrai gage, c'est que si Macron perd, il doit voter Mélenchon. c'est un bon concept. Donc oui, La Flamme, Oli et l'Alien, et là, c'est déjà bien, et puis Floodcast, voilà, on a été un petit peu plus éparses dans nos divisions, mais parce que Adrien et moi, on travaille sur des choses, et ça nous prend du temps. Surtout toi. Oui, non, mais. Et puis même, là, le contexte actuel, c'est parfois plus difficile de trouver du temps, des invités, il y a le couvre-feu, les choses comme ça. Mais on va essayer de reprendre un rythme comme on peut. On fait ce qu'on peut. Voilà. C'est cool qu'on puisse avoir eu là ce bar clandestin qui nous héberge aujourd'hui pour tourner. Le vieux Léon, qu'on embrasse, qui nous accueille là en ce moment et qui nous sert des binous. Non, mais donc voilà. Et on est très content quand même. Toujours un plaisir d'enregistrer ces émissions. À chaque fois qu'on les enregistre, on est trop content. Et j'ai beaucoup ri. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée. Et puis quoi ça enregistre ou c'est juste pour te faire plaisir qu'on est là? Je vous embrasse et puis au revoir tout le monde. Ciao. Salut. Il s'agissait du Flow de Cast. Pardon.